Indestar, il est 21h et même un petit peu plus. Bienvenue, nous sommes lundi soir et c'est l'heure d'Actu Solide. Comme tous les lundis, on est parti. C'est l'histoire d'un loup et d'une poule. Oui, blabla, le loup rentre dans le poulailler, mange le grain de la poule, il s'étouffe, la poule veut le sauver en passant par son derrière, elle reste coincée à l'intérieur et ça fait le loup-poule. Ah, tu connais l'histoire? Bien sûr, moi aussi j'écoute Actu Solide. 2 heures de grand n'importe quoi, c'est Actu Solide. Maintenant sur Indestar, bienvenue. Ouais, bienvenue, on est là. Steak. J'adore ce son là. Steak. Je sais pas, c'est steak. Voilà. Non, c'est pas celui que je voulais mettre. Elle est où le... Attends, on a des nouveaux sons dans Actu Solide. On va les trouver. Attends, je voulais mettre là. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Je voulais mettre la corne de brune. Je l'ai. Ouais, vas-y. Attends, je cherche. Ouais. Ah ouais, c'est pas assez fort. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jolan? On t'entend pas, attends, ça arrive. Ah ouais, ah, ouais. Non, bah oui, bah, en même temps, normalement, on a une musique pour se préparer. Là, ouais. On était prêt, que voulez-vous. Bienvenue dans Actu Solide et sur Indestar. Comme chaque lundi soir, vous le savez, 2 heures de grand n'importe quoi, c'est votre émission où on parle d'actualité insolite, où on parle de records à battre dans les studios, où on aura également des jeux tout à l'heure ensemble, où on va sur des petites ardoises noter ce qu'on pense. Et il y aura d'ailleurs un défi, celui de remporter le plus de bonnes réponses pour ne pas participer au record. Et puis des objets insolites à découvrir, hein, comme chaque semaine, avec l'objet mystère qui est d'ores et déjà présent sur la page Facebook. Vous pouvez voter pour. À votre avis, qu'est-ce que c'est que cet objet mystère qu'on vous a mis sur la page Facebook? Oh, d'ailleurs, on fait un petit big up à la personne qui a mis, en fait, on a proposé un sondage sur l'objet mystère. Donc on a la réponse A ou la réponse B, grosso modo. Ouais. Et en fait, il y a une personne qui nous a mis une réponse C. C'est... Sérieusement? Oui, mais du plus sérieux du monde. Je crois que c'est la maman de Linda. Donc on lui fait un big up, mais... Est-ce que c'était pour l'humour ou est-ce que c'était... Je ne pense pas. C'est pas possible, ça. C'était au code. Réponse A, putain. Réponse B, réponse D. Dédé, il est où Dédé? C'est magnifique. Il est mort sur l'autoroute, Dédé. Le pauvre, à contresens en plus. Un peu trop vieux. J'espère que vous allez bien les amis, et que vous êtes en pleine forme en ce lundi soir. Vous pouvez nous suivre bien entendu en vidéo, hein, si vous allez sur www.indestar.fr. On est dispo, on fait coucou à la caméra. Ouais, On est là. Est-ce que Teddy va bien? Ouais, ça va très bien. Ouais, bonne journée. Bonne nuit blanche. Bonne nuit blanche, ouais. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? J'ai geeké. Genre, t'as joué à Pokémon? Ouais, je l'ai presque fini. Putain, t'es C'est pas possible. Mais cet homme est fou. Je l'ai eu vendredi ou samedi et je l'ai presque fini. Là. Pourquoi tu l'as eu vendredi et samedi? Ça fait longtemps que t'as Pokémon. Pas celui-là. Ah. C'est le dernier qui Pokémon. Est sorti, le bouclier épée qui est sorti, attends, c'est un jeudi je crois. Et qu'est-ce qui change? Y'a plus Pikachu? Hein? Y'a plus Pikachu? Y'a Pikachu aussi. Bon bah alors, qu'est-ce qui change? Y'a des nouveaux Pokémon. Ah. Il faut aller les choper dans la nature. C'est ça, et ils ont inventé des nouveaux concepts de... pas de capture, mais de recherche de Pokémon. Et donc tu te balades dans la nuit comme ça pour aller choper des Pokémon. Alors ça, c'est Pokémon Go où que je me balade dans la ville. Ah, c'est un autre. Là, c'est un vrai jeu Pokémon où que tu joues chez toi. Ouais, donc t'es confortablement à la maison. Ça, exactement. Ça, c'est pour l'hiver, ça. Oui. C'est Pokémon hiver. Je m'amuse pas à faire des Pokémon, enfin du Pokémon Go l'hiver. Bon, bah tant mieux. Moi, ça me rassure. Cet homme est à peu près normal. Oui. Pas tout à fait, mais à peu près. Et voilà, j'ai presque fini, puis bon bah j'ai bossé aussi cet après-midi sur les émissions, j'ai bossé sur Actu Solide évidemment, j'ai bossé évidemment aussi sur Peck Avenger. Aussi, j'ai fait mes, ouais, bah ouais. D'ailleurs faut que je te montre mon sujet pour que tu me dises ce que tu en penses. Ouais bah en rentaine, hein, peut-être. Oui, en rentaine, oui, non mais je le dis parce tiens, que là Teddy, qu'est-ce que tu préfères Jolan, justement, toi t'as bossé? Oui. Ouais. Bah j'ai fait les émissions pour ce soir et puis pour Peck Avenger. D'accord, et ce week-end t'as fait quoi? Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai rien fait ce week-end. C'est vrai, t'as rien fait. Il a geeké. Oui, j'ai geeké. Ça compte pas comme rien parce que dans Peck Avenger, on a le droit de dire j'ai geeké, c'est normal. Ouais, c'est parce que voilà, j'ai passé mon week-end à jouer à League of Legends. Voilà. Voilà, tu as travaillé. Voilà. Il a travaillé son sujet de la semaine dernière. C'est ça. C'est pour faire un bon retour, hein, ouais. Par la suite. Et les filles, qu'est-ce qu'elles ont fait ce week-end, les filles? Amélie? Bah, samedi, j'ai travaillé. Ouais. En mode déprime. Moi aussi, hein, si ça peut te rassurer. Ouais, je fais le boulot, c'est bien. Ouais. Moi aussi, je bosse en ce moment. Ouais. Et puis voilà, rien de spécial. Rien de spécial, t'as pas fait la fête? Non, pour une fois, non. Et qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie cette semaine? Elle est restée aux chiottes à jouer au basket. Non, tu fais réparer ta voiture en ce moment, c'est ça? Oui. Ouais. Tu vas avoir une voiture toute neuve? Oui. Une Saxo? Oui. Une Saxo, on en parlait tout à l'heure. Elle s'entend de Citroën. Toute neuve, on est. Toute neuve, disons que à peu près. potable pour rouler quoi. J'en avais une. Mais vas-y, elle est très bien ma saxo. Pour starter. Tu avais quoi? J'ai hésité hein. Je sais plus comment ça s'appelle. La machine truck. Ah, la ligne. Chez Tesla. Ouais, je me suis renseigné. Oui. Et elle est vraiment sortie cette semaine. Non, elle est pas sortie. Si, mais non, elle est pas sortie. Elle est pas sortie au public. Il y a qu'un seul exemplaire qui a été fait. La production sera lancée en 2021. Oui. Voilà. Non, mais attention à ce qu'on dit. Elle va sortir normalement. Fin 2021. Voilà. Normalement, mais elle est dégueulasse. Bah, elle est spéciale. Oui, sinon on a une émission starter aussi pour ça. Oui, non, mais on n'a pas eu le temps de débattre là tout à l'heure. C'est très bien d'en parler dans Actu Solide en vrai, parce qu'effectivement, cette voiture, elle a l'impression de sortir d'un film des années 80 futuriste et elle ressemble à aucune autre voiture. Il s'est inspiré de. Merde. Ouais, il y a un film. Non, ce week-end, j'ai rien fait. Film de science-fiction, ouais. Ah ouais. Il s'est inspiré d'un film de science-fiction. Ah, c'est pas le. Merde. Le truc où ils ont des du temps sur le bras, non? C'est pas ça? C'est pas ce film-là? Oh non. Ah, je sais. Non, je sais pas, ah non, mais. Ça, c'est... Oh, je sais plus, mais. Ouais, c'est pas ça. Ouais. C'est pas Time Out, un truc dans le genre? Non, hein? Rien à voir. Mais du coup, ouais, j'ai été renseigné, j'ai vu plusieurs vidéos et ouais, putain, il se fait lâcher le mec. Alors, moi, j'ai quand même un doute, tu vois, sur la sortie de ce véhicule parce que, sur la face avant, etc., c'est très carré. Et je me dis, par exemple, aujourd'hui, pour les shows de piétons, les choses comme ça, je suis pas sûr que ça passe en vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis pas sûr que ça soit pour une utilisation en ville. Bah ouais, mais attends, les militaires seraient plutôt intéressés. Ah oui, bah peut-être pour un usage militaire. Ils ont tapé à la masse dessus, pas une bosse, rien. Non, attends, il y a eu un couac quand même lors de cette présentation. Oui, les vitres. Oui. Les vitres. Ah oui, pour l'anecdote, hein, les filles, c'est qu'ils ont présenté ce véhicule au public, tu vois, en disant, ouais, c'est le nouveau pick-up Tesla, ouais. Il ressemble à aucun autre. Indestructible. Et ils ont voulu prouver qu'il était indestructible. Donc ils ont ramené des objets, etc., pour taper sur la carrosserie, les vitres, etc. Quoi comme objet ? Genre des boules de fer. La masse, et un gros boulet de métal. Exactement. Il l'a pris à la main, il l'a lancé sur la vitre. Ouais, bah la vitre elle a explosé, tu vois. Et là, le mec, il s'en sentit mal, tu vois. Genre, on va vous faire une démo. C'est pas fini. C'est pas fini, il tape la première vitre. Il dit ah ouais, non, mais attendez, c'est peut-être un défaut. Il essaie de rattraper son truc. Par il va sur la vitre. Deuxième vitre, il la tape aussi, il la casse. Voilà, c'est bon, magnifique. Tu vois, ça me rappelle la scène dans Taxi où avec les airbags là, quand tu dis non, mais là c'est parce que c'est réglé sur ultra sensible. Mais si on fait sur normal, c'est normal, tu vois. Voilà. Les filles. On n'entend rien avec ça, c'est nul. Waouh. Mais on n'entend rien. Ouais, on n'entend rien. Amélie. Donc, Anaïs, maintenant ton donc week-end. J'ai rien fait ce week-end. Ah bah intéressant. Bah, c'était passionnant. T'as pas geeké pour Peck Avenger? Je vous ai écouté jeudi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, t'as écouté Peck Avenger? Je me suis tapé des barres en vrai. Elle m'a dit en antenne, Ismaël était drôle. Ouais. Il y avait que Ismaël de drôle. Hein. Dans l'équipe. La tristesse. Autant Jolan, alors pas du tout, hein, mais par contre Ismaël, il était au top. Jolan hein. Est dans Peck Avenger. Je dirais bien quelque chose, mais on est en antenne. Non, c'était cool et on vous invite à écouter cette émission de geek pour les geeks, pour tous ceux qui le veulent. Par contre, je me suis fait chier aux jeux vidéo. Hein. Ah bah après, il faut aimer les jeux vidéo. Aux jeux vidéo, lequel? Tous. Ah d'accord, ok. Bon, il y avait Chronos, je crois, il y avait... Ah, Chronos, ah, si, c'était Teddy, le tout sur le singe. Oh mais c'est trop bien ça. J'ai bien aimé. Bah ouais, c'est Ismaël. Ça y est, elle est tombée amoureuse. Aïe aïe aïe. Et du coup, là, on va faire concurrence. Il a bien vendu son jeu. Voilà, j'avais fait un bon truc, mais voilà. Et il a l'air cool son jeu. En vrai, ouais. C'est quoi? J'allais dire, du coup, on va pas geeker ce soir, on va faire un quiz. Ah, bah si, on va geeker pour faire lancer le truc, mais non, en fait. Bah si, le quiz, le multi-quiz qui arrive dans 3 minutes. Hein. Rappelle-nous un petit peu le principe du multi-quiz, Amélie. Bah, on va chacun poser des questions. Ouais. Avec 3 réponses différentes. Ouais. Et avec, on aura une ardoise qu'on aura tout à l'heure. Hein. Ouais, elle est dans le placard, on va aller sortir. Ça. Et puis, lui qui aura. Hein. Ou elle, peut-être. Moi, parlez bien la France. De toute façon, le masculin il remporte, donc c'est lui. Ah, celui ou celle. Ouais, mais c'est fini ce temps-là. Maintenant, on est sur un pied d'égalité. Ah, mais c'est chiant, après, il faut dire tout en double. Ceux qui auront plus de bonnes réponses ne participera pas au record. Ne participeront pas. Oui, bah, et c'est bon là, t'as fini. Il va la reprendre à toutes les. On va faire un cours de français aussi. Et si je me rappelle bien, il y a que 2 gagnants et 3 perdants. Alors ça dépend des records. Et d'ailleurs, quel est. Il faut combien de personnes au record ce soir? C'est ce que je viens de dire. Ah, c'est ça? 2 gagnants et 3 perdants. J'avais pas entendu, je pensais. Et après, on dit qu'on n'écoute pas. Et on a Antoine aussi aujourd'hui. Encore comme toujours. Antoine, ça sera un perdant d'office. Antoine, tu feras le record. Non, mais remarque, il est tout seul là, donc il va pouvoir répondre. répondre aux questions et il aura pas plus de chance que les autres, sachant qu'on lui enlèvera un point d'office parce que vu qu'il pose pas de questions, il a une possibilité de moins de répondre aux questions. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'auras un point de moins direct. c'est comme ça. Donc la semaine prochaine, tu nous feras plaisir de faire l'émission en entier avec tes questions. Ah, avec des questions. Si tu veux participer à l'émission, faudra préparer des questions, Antoine. Nous sommes à un tournant de Actu Solite. Antoine va peut-être rejoindre. Je dis bien peut-être. Peut-être. Il faut passer un test. Ah évidemment. Non. Exactement. Qui a le micro. Ah, bon, on va le visiter à mort. Un, deux, deux. Mais ils fonctionnent très bien ce micro-là. Mais non, il se coupe pas. Il mais se coupe. Non, c'est dans ta tête. En fait, il se coupe si tu parles pas assez. C'est ton volume qui s'éteint. C'est ton quoi ? Il faut que tu parles un certain. C'est son volume qui s'éteint. Voilà, dans c'est la ça. Tête. J'ai deux micros maintenant. Bah voilà, t'as deux micros pour toi tout seul. Technique à deux micros. Est-ce qu'on passe à la musique ? Ouais. Parce qu'il y a de la bonne musique. Oh non ! Oh non ! Eh, hey, je leur ai dit, ça va les faire chier non encore quand ils vont. Si, si, je vous assure, il y a de la bonne musique. Et bon, bah tant pis. L'excellente musique. Du Hanafri encore. Il y a du, du Hanafri. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais sur ma boîte mail et je viens de voir, j'ai eu. T'as reçu un message d'Hanafri ? Jusque-là, j'ai reçu. Non, mais pas d'Hanafri elle-même. Mais en fait, on m'informe qu'il y a un nouveau titre d'Hanafri qui vient de sortir. Ah. On voit non, forcément putain. Le sourire arrive quoi. Bon, là, c'est. Et il arrive quand du coup ? De quoi le nouveau titre ? Ouais, quand. Ah, mais il est sorti, hein, il est disponible sur, oui, sur sa plateforme. Sur la radio. Ah, sur la radio, bah ça dépend. On va voir si c'est une reprise, si c'est une originale. J'ai pas checké encore, tu vois. Mais il va arriver très vite, c'est sûr. Grateful d'Hanafri et dans un instant le multi-quiz. Sortez vos ardoises, sortez vos stylos et vos feuilles si vous voulez jouer avec nous. C'est et sortez celui... votre cerveau. Et sortez votre cerveau éventuellement. Antoine, c'est parce pour que toi, Amélie ne fait pas forcément à chaque fois. Hein. Ils sont nombreux, ils parlent en même temps et rigolent fort. C'est Actu Solide sur Indestar. Ouais, tout à fait. Alors là, peut-être un petit peu trop fort, mais je ne dirais qu'une chose. Steak ! Voilà, j'adore ce mot. Elle nous fait chier avec son steak. Je sais pas. Vegan ! J'ai envie que ça devienne un mimétisme, tu sais, de cette émission. Non, mais émission. Tu sais, un peu, ça fait... Tu manges quoi ce soir ? Steak ! Frites ! Allez, frites ! On l'a pas. Franchement, très très... J'ai pas de casque, moi. Non, bah non, pas de casque. Non, bah y'a pas de casque. Si, y'en a un là. Il est pas branché, c'est dommage, mais fallait le dire avant. Je... Tiens, regarde, t'as un casque non branché. T'en as pas besoin, de toute façon. C'est bon, il est branché, quoi. T'as de la mais chance. Mais du coup, ça me fait chier, moi. Hein. Bah oui, non, mais je comprends. Ça fait chier mais... tout le monde. Il s'incruste. Qui c'est qui parle ? Hein ? C'était dit. C'était dit. Oui, là, il a fait un steak frites. Et mais là, tu tout le fais seul, trop là. Bien, vas-y, regarde, je te refais steak. Steak ! Steak ! Non, mais. Là, on dirait Charles, là. Mais frites ! Steak ! Frites ! Ouais ! Faut qu'on l'enregistre. Okay. Trop bien. Multi-quiz, comme chaque. Non, mais moi, ça me fait plaisir. Tu sais, il me faut pas grand-chose pour être heureux. Oui, bah, ça, on sait. Comme chaque semaine, on a le multi-quiz. Vous avez des ardoises, on a tous des ardoises, on a des questions à vous poser. Et à chaque fois, trois propositions de réponses, une seule bonne réponse. Et si on a magasiné le plus de bonnes réponses, eh bien, on a le loisir de faire le record ou de pas faire le record. C'est ça qui est génial. On commence par Jolan qui est distrait et qui est en train de. Je suis pas distrait, je suis en train de chercher les. Je fais chier à la, pour, à la fin. Hein. Je passe pour quoi dans l'émission, moi, bordel ? Eh ben, tu passes pour le mec qui pour cherche un steak ses feuilles. Steak ? Vite ! Steak ! C'est trop, c'est trop, c'est trop ! Bon, alors, commençons. Aux États-Unis, ouais. Ils tentent d'échapper à la police, ouais. À l'aide. Mais toi, t'aimes bien les faux. Flics, hein, t'as ouais, j'adore ça. Et paie pour les flics. Petit A, d'une voiture de taxi. J'ai attends, pas compris. Il essaye d'échapper à la police. Ouais. Je répète. Ouais. Petit A, à l'aide d'une voiture de taxi. Ah. Petit B, une voiture de golf. Petit C, une voiture sans permis. À vous de choisir. Oh, j'ai envie de mettre. Oh, ah. Fais chier. Alors, Amélie a mis la 2. Ouais, moi aussi j'ai mis la B. Ouais. Théo, la voiture de golf. Il y a un peu surcopie sur moi. Mais non, non, mais j'aime bien la voiture de golf. Antoine a mis aussi, quoi mais la B. Une voiture sans permis aussi, c'est pas mal. Ouais. T'as mis quoi, t'as dit ? La voiture sans permis. Tu as mis la. Ok, bah alors déjà. Je suis pas sûr qu'il y ait des voitures sans permis aux États-Unis. Théo a bon. Ah, Amélie ah. a bon. Bon bah ça veut dire qu'on aussi, a faux quoi. Et les deux, Anaïs et Teddy, ont faux. Ah, bah. Ok, ok. Non, non, et il faudrait vérifier cette info, mais je suis voilà. pas alors, sûr qu'il y ait des voitures sans permis aux États-Unis. Je vous explique la scène. Aux États-Unis, cette scène étonnante digne d'une comédie en Floride, un homme est venu interrompre la partie de deux golfeurs pour réquisitionner leur voiture de golf. Génial, et le mec qui a cru de 25 ans poursuivi par un hélicoptère de la police est sorti de nulle part selon des joueurs de golf avant de voler le véhicule et de partir à bout du parcours. La police du comté de Martin. Et tu peux faire des pauses entre tes phrases. A partagé jeudi la vidéo de cette course poursuite surréaliste. Donc vous pouvez aller la voir sur YouTube. Ok, non, c'est ça qu'il faut retenir. Ce que j'aime bien chez toi, Jo. C'est que tu rigoles tout seul. Oui, non, mais c'est. Tu pars, mais tu rigoles tout seul. En fait, tu s'imagines la scène dans sa tête et du coup, il est dans son délire. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que la question est aussi courte que les réponses. Eh ben, je t'emmerde. BIM Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ouais, steak. Steak. Ok. Moi, ce que j'aime bien chez Jolan, c'est que la, sa phrase de fin, tu sais, fait 1 minute 30 non-stop. Il arrive. Il y avait pas de points au milieu. Les points, les virgules, la ponctuation. Je sais qu'on est en retard, mais quand même. Non, quoi. Prends ton temps de respirer. Ouais. Quoi. Mais j'ai le temps. Bien. Je vais te montrer ce que c'est une vraie question. Ah, il abuse. Bon, allez, à lundi prochain. En Angleterre, des centaines de personnes se sont réunies le Londres. Le Londres. Alors là, tu peux dire. Alors, pardon. J'ai fait une faute. Ouais. Ouais. Et du coup, de la gueule de Jonathan, c'était pensé, hein. En Angleterre, des centaines de personnes se sont réunies à Londres pour se masturber. What? Mais. Ah non, putain. Ah, je me suis chié dessus. Il a dit la réponse. Bah ouais. C'est pas possible. Oh, merde. C'est pas possible. Mais Teddy, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais attends. Et puis après, on dit, tiens, je vais te qu'est-ce que c'est une vraie phrase. Teddy. T'es tendu comme une crampe. Je t'ai tendu dans ta chambre. Ça, c'est les conséquences de la nuit blanche. Non, mais je voulais dire. C'est possible. Je voulais dire un truc, en fait. Le truc, c'est ils disent Natacha à la fin et ma mère, elle s'appelle Natacha, donc c'est un peu stressant, en fait. Très bien. J'ai fait un copier-coller en fait d'un texte. Là c'était long, on s'en bat les couilles. Et après je l'ai modifié. Ouais. Pour pouvoir le faire sous forme d'accord, de question. D'accord, mais tu et après, as laissé. J'ai oublié. Ouais. J'ai oublié d'enlever le masturbé. Bon bah merci Teddy pour ta vraie question. Donc du coup ils se sont masturbés. Ouais. Vas-y, c'était quoi la question quand même? Alors comme le Téléthon, la manifestation visait à récolter des fonds pour des œuvres d'intérêt général. Chaque participant était sponsorisé par ses proches. À votre avis, de quelle manifestation s'agit-il? Je pense qu'ils se sont masturbés. Le smacathon, rester le plus longtemps en mode galoche. Ah, le ouais. Masturbaton, tenir ouais. Sans envoyer la sauce. Bah si. Mais le inversaton. Mais de quoi? J'ai deux bonnes réponses. Mais pas du tout. Il n'y a qu'une question qui est passée. Bah non, celle de Jolan et celle de Teddy. Mais t'es ouf. Bah, t'enlèves ton point. Mais toi aussi t'as un point vu que t'as répondu dans ce cas là on met tous. Bah oui. Quand t'es tous hauts tous bons au final ça revient au même. Voilà, moi, non non mais en fait ils comptaient rajouter un point comme mais ça on s'entraide. Comme ça personne se rajoutait un point mais... comme ça lui il faisait pas le point. Mais pas du tout. Il y a Jolan et Teddy qui sont passés. Pour moi ça fait deux points. En vrai il va falloir te surveiller toi pendant les questions. Mais non. Mais du coup si je peux la faire de cette manière là. Ah vas-y. À votre avis ils ont tenu combien de temps? Parce que c'était se masturber mais sans envoyer la sauce. Ah ouais, c'est dur. Alors, trois propositions. Ah bah oui, comme ça, on remet les compteurs à zéro. Alors, le 2h30. Ouais. 8h30. C'est beaucoup. Ou 15h30. C'est beaucoup, beaucoup. La fourchette est grande. Je sais pas, je dirais. Mais bon, en même temps, je vous ai fait un beau piège. La fourchette est courte. 2h30, déjà bien. Alors, il y a un indice. Parce que lui, Théo, il tient 2h30, quoi. Donc, il est choqué. Il y a un indice. Ouais, bah, la moyenne, c'est pas beaucoup non plus, hein. En moyenne, c'est un acte sexuel, ça dure 5 minutes, même pas. T'es dans les moyennes. Mais il y a un indice, c'est que les fourchettes sont pas égales de 2h30 à 8h30 et de 8h30 à 15h30. Je vois pas où est l'indice. Bah, si vous connaissez ma logique, vous savez qu'il y a un piège là-dedans. Donc, vous savez quelle est la bonne réponse. Mais bon, Amédée, on l'a perdu direct. Je sais pas, moi, pour moi, c'est AD. T'es connecté. T'as trouvé la logique? Je mets C. Non, j'ai pas trouvé la logique. En fait, moi, je. Tout le monde a répondu. France. Là, moi je mets B parce que je vois souvent des concours de masturbation. Je sais pas pourquoi ça. Mais je suis connaisseuse. C'est possible ça. C'est ma passion. Tiens, tu pourrais passer dans l'émission de Teddy. De Thierry, pardon. Et tu sais à quel moment Amélie elle se dit bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Ah, il y a un concours de masturbation, mais je vais regarder. En anglais en plus, même pas en français. Quand on tape record, forcément, tu tombes souvent sur des trucs de masturbation. Généralement, c'est entre 9h16. Tu vois le truc. Ah, ouais, t'es pas loin. C'était 8h30. C'était 8h30. Ah, fais chier. Mais il y avait aucune logique. C'était juste pour vous induire en erreur, pour vous chercher une logique. Voilà. Il y avait aucune logique, on est d'accord. Est-ce que je peux mettre un truc de bonne réponse? Bah ouais, mais oui, là réponse. Tu peux. Ah. Non, ça c'est. Non, c'est un truc de bonne réponse. Si, il y a marqué bonne réponse. Ah, ça pique les oreilles. Mais c'est Sonic qui prend des rings. Ouh, fun times! Non, c'était pas ça. Steak! Ah, steak! On va faire comme ça. Steak! Anaïs, à toi? Faut que je m'entraîne à le faire. Alors. Steak! On se calme. En Bretagne, une île située à 10 minutes en bateau de l'Arquest dans les Côtes d'Armor est en vente. Ouais. Quel est ce prix de vente? Beaucoup. 3 steaks. Avec les frites. 1 412 000. Ouais. C'est pas cher. 1 685 000. C'est pas très cher. 2 165 000. 1 000. Ouais. Bah, je mettrai. T'as une chance sur 3. Ouais. Ouais. Ouais. Dans le doute, on met la réponse du milieu. Ouais, ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je mets la réponse du milieu. Ah ouais, c'est pour ça que tu m'essaies. Bah ouais, c'est pour ouais c'est mais voilà. Ouais, voilà. Réponse B. Réponse C. Réponse attends, B. Pas Joe. Tu sais pourquoi réponse B? Parce que statistiquement. Statistiquement. Ouais, si tu es en 4, tu mets une plus petite et une plus haute. Ouais. Statistiquement. Là, statistiquement. et bah, les gens, quand ils font des réponses ouais, comme ça, trois propositions, B. ils mettent la B. Ouais. Oh là là, j'ai voilà. hésité en plus. Ça marche, t'as vu, j'ai joué mon Teddy. Alors, là. C'est ça. Je peux expliquer. Ouais, vas-y, bon. Non, on s'en fout. C'est une propriété qui s'étend sur 6420 mètres carrés. C'est une maison typiquement bretonne de 140 mètres carrés qui est construite au 18e siècle et rénovée dans les années 90. Attends, une maison bretonne sur une île? Bah oui. Bah oui. Mais écoute, ouais. C'est la grande attends, Bretagne. C'est en France? C'est en Bretagne. Ah. Ouais, c'est donc forcément, c'est une maison bretonne. Typiquement bah ouais. Bretonne. Voilà. Bref, à vous. À toi, Mel. J'arrive. En attendant. Steak! Oh c'est un autre. C'était pas le même. C'était non, pas le même. C'était pas le même. Eh, hey, y'a trop de steak. Des variantes. Je vous jure, arrêtez avec votre chaleur humaine. Là, c'était moi, un steak rare. Alors, en avril, des policiers ont été appelés pour un cambriolage. De steak. Près de Portland, en Oregon. Car un homme qui gardait la maison de son neveu a entendu des bruits dans la salle de bain. Arme au poing, les policiers ont découvert. Petit 1. Un aspirateur robot égaré dans la maison qui tapait au mur. Petit 2, ah. Un gosse qui s'est allumé et qui se baladait dans le placard. Petit 3, la fenêtre était ouverte et deux pigeons ont été coincés dans la salle de bain. Mmh. Ah, les réponses sont intéressantes. C'est vrai que là, ouais... Mais... C'est vrai que là, mes neurones, ils ont fonctionné. Mais... Je sais pas, t'as fait fonctionner les neurones de qui? mais statistiquement... Mais ta gueule a été statistiquement... Après une réponse B, on a toujours une réponse A. C'est vrai. Non. Mais elle est peut-être pas futée aussi, elle a peut-être mis B juste parce que. C, voilà. B. Ah. Et du coup, c'est la réponse numéro 1. Ah, ah tu vois, putain. Ça marche. Ces statistiques sont prouvées. Et après, ce sera quoi? C'est les études américaines, tu sais. Après, c'est forcément la C. À toi, Théo. Après, je vais te dire dans un instant ce que ça sera, puisque c'est moi qui pose la question. Je pense que là, ça va jouer très serré pour le record. Lors d'une balade en forêt. Déjà, ça part en forêt, c'est pas bon. Florentia, une Argentine, est tombée sur ce qu'elle croyait être deux chatons sans défense, à côté de leur mère morte. C'était des titres de bordel. Elle a décidé de les recueillir. La femelle, malheureusement, n'a pas survécu, contrairement au mâle, Tito, qui est en bonne santé. Florentia l'a emmenée chez un examen, pour un examen médical au début du mois, mais là, le vétérinaire a tiqué. Tito n'est pas un chat. Mais alors, de quel animal s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un puma? Oula. Est-ce qu'il s'agit d'un jaguar ou est-ce qu'il s'agit d'un ours? T'es con toi. Ouais. Pourquoi? Bah un ours. Et bah et alors justement c'est peut-être trompeur toi. It's a trap. C'est un piège bordel. Alors on a réponse A le puma, réponse A, réponse C l'ours, le puma pour moi. Donc moi c'est ça serait Antoine. Tellement insolite qu'elle ait confondu un chat avec un bébé ours. Ouais, on a pas dit que Florentia était très intelligente. C'est vrai. Elle est sur l'échelle d'Amélie, elle est comment? Elle est très proche, c'est sa cousine Germaine. Ah bon, bah c'est C alors. C'est forcément la C. Bon, alors on a du C, on a du A et Teddy, tu mets du vas-y, C. Vas-y, je mets la C pour le LOL. Alors, effectivement, est-ce qu'elle aurait confondu son Tito avec un ours? Un chat et un ours? Non, non, quand même. Oh. Non, non, en fait. Bim, en plus, je vous l'ai dit. C'était un puma. Ah! Et ils se sont donc aperçus que c'était un puma. Mais c'est ce qui se rapproche le plus du chat en fait. Oui, ouais. Bah oui, alors ils l'ont. Oh, même jaguar, hein, oui, ça peut être un piège. Mais je me suis dit, ça serait tellement drôle si elle était complètement con ou ça. Totalement. Je suis sûr que c'est un bébé chat. Du coup, la dame, elle est pas si conne, non? Que comme vous avez dit que j'avais le même degré d'intelligence. Bah, sur l'échelle d'Amélie, elle est pas loin, mais au-dessus. Elle est pas loin au-dessus. Légèrement au-dessus. Il sera renvoyé dans son habitat naturel très vite, hein, bien sûr, après quelques soins médicaux. Voilà, parce qu'on peut pas adopter un puma à la maison. Non, normal. Alors du coup, vous pouvez acheter des baskets puma par contre, ça fonctionne. C'est ouais, tu voulais dire quelque chose à franchement, là, c'était pourri. Steak. Ouais. Jolan, combien de points? Sans faute. 4. Sans faute? Sérieusement? Putain, pour une fois. T'as copié sur qui? À sur personne. Teddy. Bah 3 fautes, donc une à 1 point. Ça dure. Anaïs 2. De... Antoine 2. 3. Moi j'en ai 3 aussi. Donc ce qui oula. Est sûr c'est que Jolan. Non, ce qui est sûr c'est que je le fais. C'est que Teddy le fait. Ouais. Antoine le fait. Anaïs, t'as combien de points? Deux. Bon bah vas-y, tu le fais. C'est bon, tranquille. Et pourquoi pas toi? Mais oui, parce que j'ai eu des points. Moi je veux qu'Amélie elle fasse. T'as eu combien de points, Amélie? J'en ai eu 3. Ah, bah, comme, ah non, Théo. Bah non, vous étiez égalisé, enfin égal. Ouais, bah mais oui. Attendez. Oui, non, donc du coup, vu qu'on Anaïs... a Antoine, vu qu'on a Antoine. Oui. T'as on peut avoir personne. Un quatrième perdant. Bah oui. Parce qu'on compte jamais Antoine. Bah si, Antoine il est dans les perdants là. Oui, oui, mais normalement mais en gros on mais pourrait avoir quatre. T'as besoin de combien de personnes pour ton record? Mais en fait parce qu'il me faut quelqu'un pour tenir un objet bien précis. Ouais. Ma bite. Et l'autre pour quelqu'un pour commenter. Ouais. Ah oui, non, commenter c'est hors du record. Et après tous les autres sont perdants. Mais c'est bon. Bah oui, on est bien là. Là on est bon, hein. Ça fait 3 perdants et 2 gagnants, un pour commenter, un pour tenir l'objet. Et puis moi je tiens l'objet, je tiens l'objet parce que j'ai une tête à faire. Vous êtes mauvais en calcul. Bah, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bah pas grave, quand ça ils seront 2 à commenter, ce serait cool. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Et moi je tiens l'objet. Bon, ok, on fait comme ça les amis. Je pense qu'avec ma tête ça peut être rigolo. Franchement, y a pas moyen. Je sais pas quel est ce record, mais on va pas tarder à le découvrir. Deuxième heure d'Actu Solide. C'est un record carré. Pour un record carré. Ouais. Ok, d'accord, on en dira pas plus, alors à ce moment là, on vous laisse. On vous laisse le et suspense. C'est le bordel, hein. Dans un instant, ouais, mode de vie insolite à découvrir dans Actu Solide avec dis-moi comment tu vis, je te dirai qui tu es. Mode de vie décalé avec qui est-ce qui nous a préparé ça? C'est Anaïs? Non. Non, c'est Amélie. C'est It's Me. Ah, c'est en fait, you. Si je peux vous donner un peu de substance. Non, oui. Steak. Ah ouais, un peu de steak. Ah, c'est bien joué. Donne-nous un peu de steak. Ah ok, je viens de comprendre. Steak. Du coup, c'est vivre sur une péniche, un rêve coûteux. Ah ouais. Ah. Du coup, on va pas parler de quelqu'un qui vit sur une péniche, mais on va parler plutôt de quelqu'un comment vivre sur une péniche. De l'investissement qu'il faut pour vivre la gorge. Mais pourquoi? Chouette, à découvrir donc dans un instant dans Actu Solide, juste après la reprise musique. De Khaled. Aïcha. Aïcha, Aïcha, écoute-moi, c'est signé Ala Wardi sur Indestar. Très très bonne soirée chez nous. Ils sont de retour, c'est Actu Solide. 21h, 23h sur Indestar. Et où on est là et on a dansé pendant la chanson. Ils non, ont dansé. Non, les bah filles. Oui, on a dansé. Oui, j'ai bien aimé la petite. La petite phrase d'Amélie, oh, c'est la première fois que j'aime une musique dans une star. Je dis genre, mais non, elles se sont éclatées pendant, ouais, pendant la chanson. J'adore, vous avez tout vu en mais vidéo. En fait, on a une caméra. YOLO Music. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive là. Attends, ça a le temps de commencer. Tout le monde a vu ce que j'ai vu aux infos. Dégueulasse. Oh, on dirait l'Opal un peu. On dirait quoi? On dirait l'Opal un peu. Ah non, je pense que c'est plus ce Big Flo et Oli. Ouais, Big Flo et Oli carrément. Sinon c'est dégueulasse. Ouais. Ah oui, oui, exact. Ouais. Quand j'y pense, tu m'as serré la pince, et ça c'est dégueulasse. Laquer une bombe sur un village, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi dégueulasse? C'est quoi cette chanson, ouais? C'est quoi cette chanson de gauchiste? C'est dégueulasse. Tu voulais manger ça et tu finis au McDo. Ouais, ça c'est dégueulasse. Presque normal. La maison dehors, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Oh, vous avez compris le concept de la chanson. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un peu comme steak. Steak. Non. Steak. Bon. Alors, vous faites chier avec votre steak. Ouais, j'adore. Ça donne envie de manger au McDo. D'ailleurs, je vais en manger un de midi. Un gros steak. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On l'a plus. On s'en bat les couilles. Ah bah non, on l'a pas en son. Il va falloir qu'on le retrouve celui-là parce qu'il était quand même bien. Mais oui, t'as pris le mien, mais au final, il y en a plus. Bah ouais. C'était pour faire la transition. Jusqu'à en fait. 23h minimum, les enfants. Si vous venez de débarquer, www.ndstar.fr, vous avez toutes les applications pour suivre. Ah, mais et le podcast pour écouter toutes les missions en son intégralité sur les différentes plateformes. Vous pouvez aller sur Spotify, vous pouvez aller sur Deezer, vous pouvez aller sur PodCloud, vous pouvez aller sur Podcast Addict, vous pouvez aller. Ok. J'attendais ça. Non, rien à voir avec toi, c'est juste que je vois Motherfucker sur le. Ouais, c'est Motherfuck, hein. C'est vrai, c'est vrai. Carrément. Il y en a un autre aussi que j'aimerais bien essayer, mais j'essaierai plus tard. Assholes. Ouais. Hello. Tu reconnais ou pas? Voilà. C'est bah quoi non, de GTA 5. C'est très fort dans GTA 5. Mais non, t'as dit c'était Louis Tunès. Non, c'est très fort. À quel moment, Louis Tunès? Alerte spoiler. Assholes. Non, c'est pas possible là. Louis Tunès a participé au GTA 5. Mais t'as dit qu'il y en avait un qui était Louis Tunès. Mais non, il nous a parlé d'un truc de Louis Tunès. Mais Hibernatus tout à l'heure, mais ça avait rien à voir. Mais si, c'est celui-là. C'était par rapport au truc congelé. Ça, c'est Louis Tunès. C'était congelé. Bref. Dis-moi comment tu vis, je te dirai qui tu es. Mode de vie insolite à découvrir dans Actu Solide avec et toi, Abel. Oui, on va parler de comment vivre le prix qu'il faut en gros pour vivre sur une péniche. L'investissement. A lot of money. Et franchement, je pensais pas que c'était autant, ça m'a un peu choqué. Genre Alors du coup, il faut déjà tout avant tout ça, ouais. Il faut une autorisation délivrée par la voie navigable ouais. de France pour amarrer sur le quai. Ouais. Oui, ça se dit, on amarre. Tu amarres sur une bite. Oui. C'est ça. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Amélie, rigole pas. Mais non, c'est tout à fait normal. Les bateaux s'accrochent à des bites. Mais oui. On va la perdre. Pourquoi j'ai dit ça? En fait, j'imagine l'océan entre les deux et tout. Ah, évidemment, faut qu'elle soit érigée. Ah, bah oui, évidemment. D'ailleurs, elles sont petites, elles sont au sol, tu peux te réfugier dessus. Titre. Vas-y. Et du coup, s'ils le font pas, ils s'exposent à une amende de 150 euros par jour. Par jour? Oui, par jour. Bah, du coup, ça fait cher. Et du coup, plus de 200 personnes attendent l'autorisation en Île-de-France, mais seulement 10 emplacements sont libérés chaque année. Donc en gros, les derniers qui demandent leur autorisation, ils ont une chance de l'avoir dans minimum 20 ans, quoi. Ouais, mais t'as choisi Île-de-France aussi. Oui. Qui voudrait habiter à Paris en bateau. Alors que si t'es dans la Creuse, tu te trouves un petit t'as même pas besoin de payer, ça même pas que t'es là. Il t'accueille à bras ouverts. Il dit, oh, un bateau, on n'a jamais vu ça. Une péniche. C'est ça. Non mais c'est très prisé, effectivement, sur la Seine. Tu t'habites en péniche à Paris sur la Seine. C'est genre, c'est luxe, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est pas... Et du coup, une fois l'autorisation acceptée. Ils ne sont pas autant chez eux parce que le stationnement doit être renouvelé toutes les 5 ans. Ah, mais ouais, putain. Ouais. Non mais ouais, c'est hyper contraignant. Mais tu sais que je m'étais renseigné, moi, pour habiter... En péniche ? Bah, alors moi, je me suis renseigné pour habiter dans un car, pour habiter dans un wagon, pour habiter sur une péniche. Théo, qui se met en mode marginal, tu sais... J'ai une amie qui habitait dans un wagon. Ouais. Ah ouais ? C'était sympa, c'était en longueur. C'est le principe d'un wagon. Moi, ce que j'aimerais bien, ça serait habiter dans un combi Volkswagen. Ah oui, c'est petit, mais pour les vacances, c'est bien. Ah ouais, pour partir en vacances et tu pars avec. Ouais. C'est cool. Mais ça coûte habiter cher. Dedans, déjà, c'est pas donné les combis Volkswagen. Moi, la vraie question, c'est pourquoi chercher des modes de. Mais parce que j'aime bien les modes de vie un petit peu comme ça, insolites, tu vois. Mais en fait, tu te rends vite compte, c'est pas pour vous casser l'espoir, parce que c'est tout à fait faisable, mais tu te rends vite compte, il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, je te dis, habiter dans un bus, habiter dans un wagon, etc. Ouais. Tu as des contraintes, tu dois bouger ton bus ou ton wagon. Si tu le bouges, ça veut dire que t'as pas accès à l'eau potable, à l'évacuation, etc. T'as pas d'adresse fixe aussi sur ton chemin. Je pense qu'ils le font exprès, en fait. Mais bien sûr, c'est fait juste exprès. Juste pour éviter justement qu'il y ait des gens qui s'amusent à faire ça et se disent oh non, ça va nous faire chier, ils peuvent pas prendre de maison comme tout le monde. Exactement. Ouais. Et c'est ça que je regrette un petit peu en France, parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus libre de ce point de vue-là. C'est qu'en France, on veut que tu habites dans une maison traditionnelle, tu vois, et que tu fasses pas chier à nous habiter dans un habitat comme ça. Tu es un mouton. Je trouve ça tellement dommage. Tu vois, là, une péniche, c'est sympa en vrai d'habiter dans une péniche. Enfin, moi, je trouve ça cool, tu vois. Ça secoue, non ? Non, mais non, ça secoue pas. Non, t'as pas le mal de mer. J'aime pas être sur l'eau. Ah ouais ? Pas si, mais. Je suis pas sûr que tu le sentes, en fait. Mais par contre, c'est très réglementé, parce que j'avais vu un reportage à Paris sur le. Tu spoiles pas. Hein ? Je spoile pas. Parce que j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. À veut dire steak, là. Ok, je me tais là. Merci. Ouais, alors, vas-y, continue, Amel. Et du coup, imaginons qu'ils ont le droit de stationner. Ouais. Je peux dire stationner. Bah oui. Et ben, en gros, s'ils sont là depuis 3 ans et qu'ils veulent vendre la péniche, ouais. Le nouveau propriétaire de la péniche doit refaire une autre autorisation. Ouais, parce qu'en fait, ça ne dure pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de portabilité. Non. Donc, tant qu'il a pas c'est pas comme le bail. tant qu'il n'a pas la nouvelle autorisation, il ne peut pas revendre. Il n'y a pas de reprise de bail. Alors, du coup, j'ai les prix à peu près des péniches. Des péniches ? J'ai posé une question, mais... C'était quoi ta question ? Je disais, du coup... Ouais, on s'en bat les couilles. Tant que le propriétaire n'a pas l'autorisation, il peut pas revendre sa péniche, du coup, logiquement. Si ! Non, c'est pas ça le problème, c'est qu'en gros, il est obligé de redemander une autorisation à la mairie. Oui, mais si, il doit y avoir un délai, j'imagine. Non, c'est pas ça, il a pas compris, Jojo. Non. C'est si tu vends ta péniche et quelqu'un la rachète, la personne qui la rachète n'a pas forcément l'autorisation de garder l'emplacement sur lequel tu es. Donc je serais lui, je l'achèterais pas. Ouais, voilà, ok, d'accord. J'avais pas compris. C'est un peu con. Après, les prix, ils en parlent pas trop, mais j'ai réussi à avoir une petite info, une source. Une source, alors, elle a des sources, Amel. Attention. C'est de 200 000 à 300 000 euros. Ah vache. Ah ouais, mais quand même, ça pique. Hein. La péniche, ça fait quand même 150 mètres carrés. Faut autant acheter un appart à 200 000 euros. Non, en vrai, non, parce que t'es à Paris. Attends, le prix d'un appart à Paris de 150 mètres carrés. Ah non, mais pas du carrés. Tout. Ça, c'est pas du tout à Paris, parce qu'à Paris, ils sont à plus de 900 000 euros. Non, mais non. Mais si, là. Bah, Île-de-France. Mais non, mais. Oui, mais là, je t'ai parlé dans les régions toulousaines. Non, attends. Là, t'as parlé du prix de la péniche. Pourquoi une péniche à Paris serait plus chère que. Sinon, tu l'achètes dans la Creuse et tu la fais venir à Paris. À Paris, si tu veux racheter une péniche qui est déjà sur. Et en fait, c'est 900 000 euros. Oh, la vache. Et pour une péniche face à la Tour Eiffel, c'est plus de 1 500 000. Alors ça, c'est parce que c'est l'emplacement en fait que tu payes. Mais c'est non, ça. Mais pas du tout parce que tu payes l'emplacement de 9000 euros. Mais non. Bah oui, bah si, oui. Non, parce que vu sur la Tour Eiffel, oui, forcément. Même bah les oui, appartements, bah oui, pour le coup, même ouais. Les maisons. Parce c'est que là, tu pris dedans. Si il y a l'emplacement et la péniche. D'accord, t'as l'emplacement et la péniche, ah. Mais en même temps, t'as dit que oui, pour il faut quand même l'autorisation. Ça veut dire que si t'achètes une péniche à 900 000 euros, mais tu, quand même, il te faut l'autorisation pour stationner. C'est ça. Ouais, donc c'est quand même embêtant. Mais sinon, une péniche en elle-même, est-ce que t'as le prix de la péniche en elle-même? Pas du tout. Ouais, parce que tu veux que je check vite fait ou pas? On a droit. Oh, bah, à mon avis, il y a tous les prix en vrai. Parce que, c'est ça, ouais, c'est comme un appartement. C'est comme les voitures, c'est comme. Bah ouais, ouais, c'est-à-dire que. C'est pas les mêmes marques. Ouais, c'est ça. C'est pas le même turbo. Ça dépend du confort intérieur, attention. Je veux dire, si t'as le canapé cuir, là tout de suite, ça. Et du coup, bah. En plus des taxes, les propriétaires fluviaux doivent s'acquitter d'une redevance à la BNF. Donc la BNF, hop, c'est la voie magique. Tu payes, tu peux venir. Navigale de France. Ouais. Comprise entre 100 à 900 euros par mois. Vache. Plus les par frais. Mois c'est ouais, loyer, par ce... mois. Oui. C'est le loyer même non, si t'es propriétaire. Mais c'est... Si. Plus les frais d'assurance qui sont plus chers dans, qu'une maison normale. Mm-hmm. Bah, normal. C'est environ 2000 euros par an. D'accord. Donc t'as la taxe, on va dire la taxe d'habitation. C'est la taxe foncière quoi. Plus la taxe que tu non, payes. Mais attends, c'est simple, ils font tout pour pas que tu y habites en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Putain, mais ça. C'est des enculés. Pardon, mais. Il a failli, t'as pas. J'ai failli, mais. C'est la France, je l'ai. C'est la France. Non, mais à Paris, mais t'imagines un petit étudiant qui doit trouver un petit. Non, mais il va pas se retrouver. Non, mais je veux dire, il va pas aller dans une péniche. Je sais pas le. Moi, clairement, si je vais à Paris, je vais pas dire, attends, j'habiterai bien dans une péniche. Non, mais je sais, mais. F1 le plus proche. Mais même quand tu gagnes bien ta vie à Paris, ça doit être une galère de trouver un. Tu t'achètes pas une péniche. Non, mais en fait, vaut mieux avoir un peu d'argent quand même de côté. Ah bah carrément. Il y a l'entretien aussi. Vaut mieux pas habiter à Paris. Parce que aussi, les propriétaires doivent effectuer une mise sur cale pour inspecter la coque tous les 10 ans. Ouais. Et ce diagnostic compte environ tous les 10 ans environ 5000 euros. Oh putain. Ouais. Donc tu rajoutes 5000 euros sur la balance pour vérifier ta péniche et sans compter que effectivement, bah tu dois faire des frais de temps en temps. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Enfin, tous les 10 ans, mais ouais. 5000 sur 10 ans, ça peut être bien si t'as pas de problème. Ouais, si t'as pas de problème, mais si t'as. Imagine, t'arrives un jour. T'as la coque qui est pourrie ou je sais pas quoi. Parce que je sais pas si ça fait comme inondation. Le contrôle technique, t'es recalé ou genre de truc et tu leur payes un. Ah ouais, si t'es recalé et que tu passes pas, tu peux plus habiter dans ta maison. Genre, sinon, t'as la coque qui est pourrie, tu peux plus circuler sur l'eau quoi. Non, mais tu circules pas en vrai. Non, mais tu navigues, pardon. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais en vrai, quand t'as une péniche, tu restes. Au même endroit. Tu bouges pas quoi. Non, tu bouges pas. Mais tu payes des bouger. Trucs. Voilà. Tu payes des trucs qui servent à rien. Mais du coup, pour l'entretien, ça doit être chaud, non, j'imagine, si tu bouges jamais de l'année. Bah, si, tu l'entretiens. Mais enfin, tu le nettoies, mais tu plonges. Je sais pas. Tu colmates, tu mets un petit peu de silicone si ça fuit. Et puis voilà, sinon, c'est t'as des infos là-dessus, toi, comment ils s'occupent de leur péniche ou pas à l'année ou pas du tout? Ah, ils s'en occupent bien. Bah, généralement, au prix que tu l'achètes, normalement, attention. Ouais. Ah bah oui, forcément. Mais après ça dépend. Ça dépend parce que là encore une fois tu me dis tu payes l'emplacement. Non, mais après si t'achètes une péniche au rabais, bah tu te retrouves avec une péniche à restaurer qu'il faut. Et ça à mon avis ça doit engendrer des frais aussi. Le temps de l'autorisation, t'as le temps de restaurer ta péniche carrément. J'avoue. C'est bon, t'as environ 20 ans à Paris, c'est bon tranquille. Après, mais en vrai ça doit être une expérience cool en vrai de. Ouais, mais pas à Paris. Peut-être pas y habiter, mais genre y aller en Airbnb, tu vois, aller dans une petite péniche et tout. Ça doit être fun. Bien sûr ça existe. Ça doit. Oui, je l'ai vu, des chambres gens d'hôtes, qui, ce genre de truc. Et ça doit coûter une blinde. Oui, aussi, mais bon, genre pour ta lune de miel ou je sais pas quoi. Tu fais mieux qu'une péniche pour ta lune de miel. Je sais, mais c'est un concept. Et est-ce que ça bouge quand tu fais des trucs à l'intérieur? Sans doute, je sais pas. Et là, raz-de-marée sur la scène, là, effectivement, la une jeune femme mariée. Une femme fontaine. Oh ah, j'étais obligé de la faire. Ça a débordé. Il est pas encore 23h, t'es dit. Ouais, mais faut la comprendre celle-là. Ouais, la femme faisait 300 kilos et du coup ça. Bref. On s'éloigne. Non, mais c'est en vrai, moi j'aime bien ce concept-là. Après, je trouve que c'est surestimé, tu vois. Enfin, payer 900 000 euros plus ta péniche, plus ton truc, machin. Ouais, tu m'aurais dit sur la Loire à Tours, tu vois. Ouais, bah, je suis sûr, il doit y avoir autant de contraintes. Alors, il y a des contraintes, mais ça doit pas être le même prix. Ouais, le prix abordable. Des emplacements doit être un peu plus abordable. Ouais, plus abordable. Okay. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est. Alors, c'est hyper classe, hein, tu sais. Ils font des concerts sur la scène, ils font des choses. C'est cool. C'est ça, mais bon, ça reste. C'est l'élite encore. C'est un truc de. Excusez-moi, le. C'est un truc de bobo, quoi. Bah oui, carrément. Paris. Ah bah oui, Paris. Si t'oublies les banlieues. Ouais. Oui. Ah, c'est pas du HLM, hein. Y a pas de la péniche HLM. Mais après, généralement, les gens qui achètent des péniches, c'est plus pour être, on va dire, dans un mood de liberté, quoi. Ouais. Ouais, bah non, en fait. Genre, ils se disent, en gros, on est en dehors de la ville et tout, on est dans notre ouais, péniche. Ouais, c'est ça, en fait, ils sont libres. En fait, pour eux, ils veulent essayer autre chose de différent. Voilà, ouais. C'est ça. Mais le seul problème, c'est qu'au final. Ils payent aussi cher que comme s'ils étaient dans un loyer. Non, ils payent plus cher. Ils payent plus cher. Et puis à quel moment t'es libre, en fait? Parce que par rapport à toutes tes taxes, etc. Oui, j'avoue, ils bougent pas là, par contre, t'es pas. Il y en a qui bougent avec leur pénis. Il y en a qui peuvent bouger. Ils se déplacent de 100 mètres parce qu'ils. Mais ouais, je pense pas que ça représente. Faut éviter la contravention, faut qu'on déplace des péniches. C'est ça. Mais c'est ça. Ça doit être pour être tranquille ou genre éviter trop de bruit. Mais ça doit être. Par contre, du coup, ça se trouve, ils ont même pas le droit de circuler comme ils veulent. Genre, il y a trop de bruit, ça se trouve, il peut pas partir. D'ailleurs, je revenais à ce que je voulais dire tout à l'heure. Amélie, tu m'as dit non, spoil pas et tout, mais ça n'avait rien à voir finalement. Dans le reportage que je disais, en fait. Au moins, on a réussi à te fermer ta gueule pendant 10 minutes, c'était génial. Dans le reportage que j'ai vu sur YouTube, c'était la gendarmerie, je vais y arriver, qui surveillait du coup les bords des péniches. Et apparemment, c'est attiré par les personnes mal attentionnées. Donc, ils ont beaucoup de problèmes avec les vols ou ce genre de trucs. Donc, du coup, c'est facile de monter sur un bateau. Ouais, voilà. Non, mais du coup, faut faire attention, quoi. Faut s'attendre à ce que vous. Faut se mettre en plein milieu du canal. Faire voler quand tu mets détecteur de mouvement et tout le bordel. Ouais, voilà. Mais non, bah c'est le risque quand vous faites. Bah, tu sais, quand t'as une péniche, t'es plus à ça près d'acheter un détecteur de mouvement. Alors, ouais, bah si, justement. Tu payes 900 000 euros l'emplacement. Tu payes ta péniche. Tu payes ton truc fluvial. Tu payes ta taxe d'habitation. Tu payes ton loyer. Et faut que tu restes dessus parce que sinon, tu te la fais voler. Non, tu te fais pas voler la péniche. Bonjour, la liberté. Non, mais tu te fais voler les objets. Tu te fais voler les biens qu'il y a à l'intérieur. Et va savoir si tu peux pas voler la péniche. Oui, aussi. Avec voilà, mais, t'arrives, elle est plus là. Alors qu'un appartement, normalement, il est toujours là. Le mec fait une course-poursuite avec une péniche, tu sais. Non, mais sans faire une course-poursuite, mais tu sais, ça se trouve, ils sont en allée où il t'a planté ta péniche à 200 mètres, tu vois. En vrai, je suis sûr, les flics, ils seraient bien emmerdés. Hein. Ah ouais, parce que je pense pas qu'ils ont des jet skis prévus. Bah après, Paris, ils ont les bateaux et tout, mais bon. Ouais, mais je suis pas sûr, dans les canals, ça va pas passer. Non, non, le mec, il se met en plein milieu du canal, les flics, ils vont pas sauter à l'eau. C'est vrai, là, par contre. Il faut faire des fucks comme ça. Tu sais nager, Bernard? Non, j'ai pas appris ça. Bon, ça c'est le. Ouais. En vrai, le concept a l'air sympa. Ouais, non mais c'est sympa. Dans l'absolu, moi je trouve ça sympa. Après, c'est dommage qu'il y ait toutes ces contraintes qui fassent que bah tu fais c'est cool, mais non finalement. En fait, ce qu'ils recherchent, donc forcément, quand tu veux t'installer quelque part, c'est le pognon quoi. Ah bah oui. Direct. Mais tout bah, direct. En France, de toute façon, pognon. Ah, bienvenue dans cette émission de politique. On a The Weeknd qui a été mélangé à Troye Sivan, Can't Feel My Face avec Mama Mai. C'est dans un instant sur Indestar. Et puis dans un instant. Je voulais répéter, n'oubliez pas. Ouais. De participer au sondage qui est sur la page Facebook Indestar. Mais il sert à quoi ce sondage, dis-nous? Au steak. Bah, réponds. Au steak. Non, mais c'est le sondage de quoi? D'un objet mystère. Il sert à quoi le sondage? Bah, répondre. De l'objet mystère. T'inquiète, j'ai répondu. Voilà, donc il faut on a que tu dises les objets insolites objet à vous présenter. Non, ça passe pas. Et dans ces objets qu'on a à vous présenter, on a toujours un objet mystère et on vous pose la question sur internet. Steak. À quoi sert cet objet? On a quoi comme proposition? On peut trop le placer partout. Titre. Je comprends pas leur truc de steak là. Mais moi non plus, mais oublie. Steak? Steak! Tu te rappelais pas du alors, steak? Du coup. Je veux steak en chair, s'il te plaît. Parle, je vais quelles sont les propositions? Alors, c'est soit des bouchons fantasy, soit des sauces goût vomi ou croquettes. Bah. D'accord, donc on vous pose cette question et pour l'instant, on est à combien de votes? Du coup, on a pas mal de participation ce soir, on est à 83%. Pour les bouchons fantaisie. Tu te relevais d'un coup. Et 17% pour les sauces goût vomi. Pourquoi t'as gonflé les pectoraux d'un coup? Parce que mon micro il se lève là. Baisse le manche, ce sera mieux. Ah là, non mais c'est un manche qui se relève. C'est une technique. Tout hein. Mais la balle baissée. On parle de péniche, c'est le goût vernis qu'il faut baiser là. C'était nul. Voilà. Arrête avec ton steak, je vais l'enlever. Je viens d'y penser, il nous faudrait le même bouton mais avec chè. Ah oui. Ah ouais, j'avoue. Alors là, ce serait magique. Ça ferait rire Thomas en vrai. Ouais, bon. Non, en ce moment, mais tu as rien ne peut le faire venir, Thomas. Oh, ok. Bon, voilà. On va écouter ce week-end. Hein, allez, écoutons ce week-end avec ma mamaï, le bootleg sur Indestar dans Actu Solide et le top objet qui arrive. 21h, 23h. Actu Solide, votre émission d'actualité insolite. Ouais, en même temps, t'as pas été la chercher bien loin. Actu Solide, 21h, 23h. Je clash. N'importe quoi. Je clash le jingle. C'est ça. Tu vas te faire taper à la fin de l'émission. Bon, je vais me faire taper, méchant. Non, mais on va demander à la meuf d'enregistrer steak des steaks. Ça, c'est notre petit joujou du jour. Top objet numéro 1. Des objets comme chaque semaine à vous présenter. Des objets insolites, bien sûr. Hein, c'est le concept d'actu solide. Mm. On était chacun à la pêche aux objets. Et un jour, on s'est dit qu'on les ramènera d'ailleurs, les objets dans le studio pour les on tester. Fera une spéciale, trop bien. Oh, ouais, trop bien. Trop hâte. Qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, Jonas... Steak. Ah non. Alors faut peut-être pas le... running gag. Ouais, c'est ça. Pas trop non plus. Mais... On a celui de Jolan. Ah, c'est pas un steak. Alors, on a non, un... c'est pas un steak. On a un cul. Oui. Et on a une balle de golf. J'imagine qu'il faut. Ouais, c'est un trou de. Voilà. Voilà. Un trou de cul. Ah, et du coup, faut mettre la balle de golf dans le trou. J'imagine. C'est ça. Du coup, c'est pour ça, on appelle ça une golfesse. Voilà, on appelle ça un golfesse. Vous avez dit golfesse. Ouais. Et du coup, ça rejoint le principe un peu d'Amélie de son tapis qu'elle avait montré la fois dernière. Non, c'était moi. C'était toi. Oh, pardon. Du coup, c'est voilà. Pas grave, je te donc oui, ça s'appelle un golfesse, effectivement. Produit un son de paix à chaque mise au trou. Oh, la classe. 6 proutes sonores différents, attention. Ça dépend comment tu mets la balle. Oui. voilà, alors si tu fais un lob, ça... Non, pardon, ouais. Le prix, c'est pas trop cher, 18,90€. Voilà. Le site Make With This Stuff, comme ouais. Toujours. Et tous ceux qui participent au golf le diront, la pratique de sport vous aide à laisser les problèmes du quotidien derrière vous et faire le vide. Quelle belle transition magnifique. Je rajouterai même plus, si tu veux Amélie, tu peux y jouer aux chiottes. Ah c'est sûr. Steak. Est-ce qu'on a le truc de seul contre tous là? Non, c'est est-ce pas qu'on a le truc de seul contre tous? Tu joues à des trouve-le trucs. Trouve-le-moi, dépêche-toi. Dépêche-toi, trouve-le-moi. Vite. Dépêche-toi, Théo. Dépêche-toi. Fais paniquer. Parce que Théo, dépêche-toi. Il est là. Seul contre tous. Tous me repoussent. Bon. Ouais, mais tu peux vraiment y jouer aux chiottes, hein. Oui, la bah taille oui. Du truc. Ouais, mais ça me ferait chier, tu vois. Où est-ce qu'on trouve cet objet insolite? Dans tu ton... peux pas jouer au basket et au golf en même temps. On le trouve où? Mike Resistoff. Mike Resistoff, il y a combien? Putain, mais tu m'as écouté ou pas, bordel? Oui, j'ai écouté, mais tu vas comprendre pourquoi. À combien? Bah, 18,90€. Voilà! C'est juste pour. Oh, d'accord, juste pour. Mais il me fait répéter pour cette mais merde oui, là! Et aussi parce que j'avais pas écouté. Alors, Teddy! Le salaud! Alors, ça, c'est un petit clin d'œil à Enrôler dans la folie. Oui, c'est Cthulhu! Exactement, parce que j'y ai pensé. Alors, ils l'ont pas mis clairement que c'était Cthulhu, mais franchement, ça ressemble beaucoup au style de Cthulhu. Hein. Alors, ouais. On rappelle Cthulhu, c'est une sorte de dieu machin. C'est ça, c'est un dieu qui ressemble qui a des tentacules là. Avec des tentacules. D'ailleurs, si je me suis renseigné sur l'univers, c'est très sombre. Ah oui, l'univers HP Lovecraft est très. Bien wedge. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Bien wedge. Pirates des Caraïbes. Oh, genre. Ouais, non. Ouais, c'est pas le même délire. Hein. Non. Ah bah ouais, si, non. Un méchant dans Pirates des Caraïbes. Oui, peut-être, il est inspiré de Cthulhu. Ah, le capitaine. Oui, il est peut-être inspiré de Cthulhu. Moi, ça me fait penser à Narnia. Non, c'est capitaine. Je sais pas, je trouve que les pays capitaine crochet les gens comme ça, ils font penser à Narnia. Mais c'est Narnia. Pas un genre, c'est une mais cagoule. Mais oui, c'est vrai, t'as jamais vu Narnia. Bah, j'ai jamais vu mais Narnia. Mais y a pas de genre comme ça. Mais je sais pas, ça me fait rappeler l'univers de Narnia. Bon, d'accord, ouais, c'est pas le même délire. Hein. Ne connais c'est pas beaucoup du tout. Plus sombre. Mais bon, du coup, là, t'as une cagoule pour te la péter en mode HP Lovecraft. Ouais, du coup, ça ressemble plus à Fatal Bazooka, du coup. Il a une cagoule fout de... Ah, fout ta cagoule. Fout ta cagoule. Fout ta cagoule, non, mais là, c'était pourri, là. Non, c'était bien. Voilà. Ok. Je me rappelle plus du prix, je l'avais écrit en dessous. Ah non. Chez Teddy, tu chez mal ton si, c'est sur Wish, c'était à 3€. Putain, tu me l'as enlevé en plus mon steak. J'avoue, tu es 3€ sur Wish. Oh, ça va. Combien 3€? Ouais, c'est pas cher. Oh, mais ça vaut le coup. Heureusement que je suis, j'ai envie de te dire. Ça vaut le coup. Non, mais c'était bien. Oui, bah heureusement que je suis. Mais j'ai vu que Anaïs. Oui, Anaïs. Alors moi, c'est un truc vachement gay. Alors, c'est des pieds. La morgue. Non. Ah ouais, c'est comme c'est la morgue. C'est l'étiquette de cadavre. C'est oui. La morgue. Putain, mais c'est dégueulasse, ton truc, là. C'est à très quel gay. Moment tu te dis que tu vas acheter cette idée, là? Enfin, c'est comment? C'est peut-être pour ça que c'est pas cher. Ah ouais. Attends, c'est quoi qui a acheté? Bah, en fait, l'étiquette, t'as des pieds. C'est pas les pieds, et, hein. Ouais, t'as l'étiquette que tu sais ah, que tu poses au pied des cadavres. Ah, mais pour c'est glauque, en vrai, putain. Eh oh, mais c'est génial parce que pour non. Les cadeaux de Noël, non. Tu mets ça dessus, tu sais, tu marques le prénom. Genre, t'es mort pour gens. Moi. C'est sympa. C'est désolé pour ceux qui croyaient au Père Noël. Mais à quel moment tu veux. Oh la salope. Mais non, mais tu poses même pas la question, tu l'emballes même pas le truc. Le pire, c'est que c'est enregistré quoi, et les enfants qui vont écouter. Mais maman, le Père Noël, je croyais qu'il existait. Oh, c'est le Père Noël, Manine. Bah, Amélie, qu'est-ce que vous dites, bah, Amélie? Et moi, je suis le lutin. Oh, ok. C'est parti trop loin. Bon, par contre, si tu veux dire que si t'as plus envie d'offrir des cadeaux à ton gosse, tu offres l'étiquette comme quoi le père Noël est mort. Oh non. Mais non, mais tu dis mais tiens, je suis désolé, je suis arrivé trop tard mais et non, t'as mais la morgue. Tu sais, d'habitude, tu marques les prénoms sur les cadeaux de Noël. Bah là, tu mets ça. Oh non. Non, mais arrête, non, tu vraiment, c'est de mauvais non, goût. Non, vraiment. Moi, non, ce que je trouverais plus marrant, tu vois, la rigueur, c'est. Tu vas voir la personne, t'as ton étiquette, tu l'attaches au doigt de pied. Puis elle comprend pas forcément ce qui arrive. Mais qu'est-ce que tu l'attaches? Puis après elle regarde, puis après tu la sors. Je sais pas, tu la sors dehors. Bien sûr. Ah non, et tu vas jusqu'au bout de la blague, tu la tues, comme ça. Bah voilà. Et après on dit que c'est moi qui est glauque, hein. Ouais. Bon. Vous êtes chelou, hein, les gars. Bon, allez, ça a coûté combien? Imaginons qu'on veuille l'acheter. Non, n'appuie pas sur ce bouton. Attends, juste une info, c'est importé des États-Unis, donc c'est en anglais. Ouais. Alors, putain. C'est à la boutique insolite.com. Ah, t'as changé de site. Ouais. Ah, mon Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il pleut. Un ça, c'était moche, par Attendez, 1,65€. Attendez. C'est... Non, mais c'est bon, là. C'est vraiment pas cher. Ah bah non, et bah ça n'a pas d'utilité. Aucune. Alors, il y a que des Américains pour vendre ça. On passe à l'objet d'Amélie qui me fait peur. Il y a une boîte et il y a une araignée qui sort. Mais bah, du coup, vous avez encore le temps pour l'objet mystère. Hein, ce sera la deuxième partie de l'émission. Ah bah oui, à chaque fois, on se fait avoir. C'est pas grave, ça laisse le suspense. En même temps, pourquoi c'est marqué Amélie 1 alors que tu le mets... Mais ça, je connais cet objet, c'est très con. Excuse-moi. Oui, moi aussi. Alors, c'est une boîte surprise. Une boîte surprise et une araignée dedans, on a bah, découvert. Mais il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Ça veut dire que la boîte, elle est fait main, mais ça, on s'en bat les couilles. Et quand la personne l'ouvre, l'araignée saute. Oh, c'est horrible. Oh non. Et moi qui ai la phobie des araignées, je me dis, c'est horrible. Oui, t'es arachnophile, toi aussi. C'est pas arachnophobe. C'est pas arachnophobe. Arachnophobe, pardon, mais non. Quoi, t'adores les araignées? Après, c'est zoophile quand t'aimes les araignées, tu vois. Non, arachnophile. Non, arachnophile. Mais non, c'est arachnophobe. Non mais non. Quand tu adores les araignées, quand t'es collectionneur d'araignées, t'es arachnophile. Ça ah oui, mais moi je suis arachnophobe. T'es arachnophobe, t'es comme moi. Mais et non mais. En plus, j'en ai une derrière mes chiottes. À chaque fois que je claque les lunettes des toilettes, et je me suis barré franchement. Derrière. Et t'as pas pensé à la tuer à un moment donné? Mais non, parce que j'arrive pas à la tuer. J'ai de quoi vous sauver. J'ai un objet que je vous présenterai dans les semaines à venir qui pourra vous sauver la vie semaines, à vous arachnophobe. Ah oui, non mais là, en tout cas, t'offres la boîte. Il y a une araignée. Je vois de quoi tu veux parler. L'araignée, elle est morte? Non, mais attends, c'est une araignée en caoutchouc. C'est une fausse, mais du coup, en fait, quand t'ouvres la boîte, l'araignée, elle va bondir gueule, comme ça. Ah putain. Ah non, mais c'est mais du coup, c'est une boîte surprise. Du coup, t'as mis tes doigts sur la boîte parce que tu vois, ça glisse. Tu sais qu'on m'a fait la blague quand j'étais au lycée, on savait que j'avais peur des araignées et tout ça. Il y a une copine à moi, on était sur la table de la cafette, etc. Donc tu vois, en public. Et araignée comme ça sur mon genou. À un moment donné, je me retourne et machin, je vois ça, j'ai bondi, la table s'est renversée, il y avait jeu de cartes dessus, etc. Tout s'est renversé. Tiens, moi arrête la dernière fois. Les meilleurs souvenirs. Il y a les mecs à côté, tout ça. Ils ont dit Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, j'étais au travail, j'étais en caisse. Et là, je tourne ma tête. Et là, je vois quoi? Une araignée descendre. Ah, qui descend sur son fil là. Ouais. Oh, du coup, j'étais là en mode oh putain. Et j'ai vu un gamin arriver à côté de moi. Le pauvre, il m'a vu qu'il était une araignée. Et il était en mode Dieu, dégage, connard. Non, mais je comprends tellement, en vrai. Ouais, mais attends, il y a encore mieux. Il y a pire. Il y a les arachnophobes, mais qui veulent pas tuer d'êtres vivants. Ah ouais, non, moi je m'en fous. Ah, je mais moi, c'est putain. Ça, c'est drôle, ça. Rien à branler. Tu sais que j'avais. J'ai ma mère, elle est croyante comme ça. Elle veut pas tuer les araignées parce qu'elle se dit ça porte malheur et tout. Non, et du coup. Non, non. Ah bah, mais elle a peur des araignées. Ça fait longtemps que je porterai malheur. Du coup, elle est là avec son balai, elle est en train d'essayer de la et chasser. Du coup, il existe aussi avec des souris. Oui. Une boîte avec mais des les souris, ça va. Bah, et non, parce que regarde, Antoine, il a la phobie des souris. Ah ouais, mais j'aime pas non plus les souris. Mais toi, t'es une tapette. Une tapette. Tapette à souris. À souris. Et du coup. Steak. Et du coup, ça coûte. Je suis obligée de me faire ma blague toute seule. Ça coûte 2,75€. Ça, t'appelles ça une blague? C'est bien. C'est pas cher. Non, non, mais c'est cool. C'est pas cher, mais en même temps, franchement, j'y mettrais moins 2,75€. De base, tu sais, tu les donnes aux gens, puis les gens, ils vont être curieux, tu vois, ils vont ouvrir la boîte. Non, tu la mets chez toi, tu l'exposes. Et les gens, tu la mets bien en évidence pour que les gens, ils disent. Et dessus, tu marques. Dessus, tu marques. Regarde ta tête de pervers là. C'était en mode. Non. T'es chiant, tu m'as fait flipper. Ah bon, j'ai une tête de pervers. Ça, je connais, mais j'ai un doute. Alors, l'objet suivant, c'est le mien. C'est un objet décoratif? C'est un objet. Ah, c'est décoratif, ouais, c'est quand. D'accord, ah, donc je connais pas. C'est une guirlande pour dents. D'accord. C'est pour Noël. Tu mets ce faux dentier, il s'illumine. Donc je sais pas combien de temps il tient, il doit y avoir des petites piles bah, à bravo l'intérieur. Bravo pour la recherche. Et c'est pas marqué simplement. Guirlande pour dents qui vaut seulement 5,99€ sur Amazon, donc vous faites plaisir. C'est chinois, hein, on s'en doute. Donc tu mets ça sur tes dents et voilà, boîte de night quoi, tu vois. Ça, moi j'ai ça peur que ça de fasse tes effets nocifs. Ah, et t'imagines, ah c'est très possible. T'imagines, je te dirais bien que non. Parce que Maëva, elle a quelque chose, elle a un objet. Alors c'est pas un objet décoratif. Elle se le met dans la bouche comme ça. Et là, ça fait un genre dans de la dentier, bouche aussi. Hein. Ça fait une lumière bleue très vive et ça, tu mets de la pâte et tout. Et en fait, c'est censé blanchir les dents. Non, c'est des conneries, oui, ça marche pas. Ça. Attention, non, ça, c'est attends. Ah, si, ça marche. Ce qu'elle a, ça fonctionne comment? Les youtubeurs qui ont testé, ils disent que ça marchait pas. Bah, YouTube, oui, mais c'est quoi? Faut mettre du gel sur le truc. Oui, faut mettre un brillance. Je sais pas. Mais du c'est coup, pas du tout la même chose. Y a pas d'électronique en fait à l'intérieur. Si, mais... parce que t'appuies dessus pour que ça s'allume, pour que ça fasse de la lumière bleue. Ah ouais? Ouais, c'est de la lumière, je sais pas, un peu spéciale qui blanchit les dents. D'accord. Bah là, il faut le garder une demi-heure. Les gens de la télé-réalité ouais, c'est font ça, faut... ouais, c'est ça. Ah, okay. C'est les codes promo là. Ouais. Là, ça blanchit pas du tout les dents, non, mais bah par non. contre, vous pouvez avoir les dents multicolores. Vertes, bleues, rouges, etc. T'imagines, tu t'offres ça à ton grand-père pour qu'il custom son. Papy Tuning. C'est Papy Tuning. C'est Jackie Tuning. Excellent. Non mais c'est cool, tu sors en boîte de nuit, tu vois, boum à 13 ans, la fille a 13 ans. Ouais. Là, et tu mets ton dentier multicolore là, ton appareil dentaire multicolore, c'est génial. C'est chelou. C'est clair. Moi je vois quelqu'un dans la rue comme ça, je dis mais il a quoi lui, lui. Non, alors effectivement pour un entretien d'embauche, c'est peut-être pas l'objet. Ouais. Mais la couleur reste permanente après. À Noël. Ouais. À Noël ça passe hein. À Noël ça passe. Bah oui. Ça passe très bien. Il y a bien des petites boules de Noël qui s'accrochent dans les bras. Et du coup là on va passer à autre chose. Ouais. T'as vu ça me relance un petit peu là, c'est génial ce soir. Oui. Oui, parce que vous avez dit ça passe, du coup j'ai dit ça. Il nous manque pas des objets ? Et bah tout à l'heure. Bah tout à l'heure, t'es le top objet numéro 2 dans la deuxième heure. C'était quoi ton objet ? Et bah, bah c'était ça ? Ah oui. Mais ma guirlande gourdant là, merde ! T'es dit ce que t'écoutes, bordel ! Seulement 5€ sur Amazon, oh, je rappelle. Bon. Réveille-toi, hein. Mais t'as pas fait ton truc pour les 5€. Il y aura un autre top objet à découvrir tout à l'heure. Mais on a dit que c'était un objet chinois. Du coup, on va écouter Nem. Ah, le con. De la fameuse. Ça, c'est une mode transmission. Ah, mais ça, c'est pas du racisme, ça. Et il y a le record juste solide. Après, ne bougez pas. Exactement. Ah, tu t'es chié dessus là. Non, mais pas du tout. Ah, mais tu t'es chié dessus, mais grave. Les plus originales, les expériences les plus loufoques. C'est Actu Solide sur Indestar. T'es mauvais. Ouais, ça mérite un gros steak, ça. Ça remarque. Steak. Steak. Alors, justement, le steak qui fait truc de l'armée. Steak. Ah, tu me saoules avec ton steak. Bon. Je crois qu'on en a pas fini là. Bon, Théo, je vais prendre ta place ou pas? Pourquoi tu veux prendre ma place? Bah, tu fais pas le record, toi? Bah, non, pas du tout. Oh, t'en prends un. C'est qui fait? Ah merde. Eh, qui est-ce qui gagne comme chaque semaine? C'est Bibi. Ouais, enfin, te la pète pas non plus, hein. Alors, du coup, c'est Jolan qui a trouvé ce record de cette semaine. Ouais. On n'a pas de record défini spécialement dans le World Guinness Record. Le Guinness Book des records. Non, mais au pire, tais-toi, pour une fois, je dis un truc assez intelligent, hein. Pas trop. Mais du coup, je me lève, tout le monde est levé là. Ouais. Oui, c'est mieux de commenter. Je tiens juste à préciser, c'est utilisé dans les entraînements militaires des Américains. Oui, il y a oui. beaucoup de vidéos qui tournent là-dessus ou que justement. Vous tapez genre sur YouTube, les majors le font, c'est vous tapez funny moment militaire et vous allez voir, mais c'est à mourir de rire. Alors, explique-nous, Jolan, en fait, je vous explique. Le principe du record. Le principe du record, c'est on va être au garde à vous et tu vas avoir quelqu'un qui va se rapprocher du visage de la personne avec un petit jouet que Amélie présente là. Je sais pas si on entend très bien. Ouais, c'est Sophie la girafe. C'est Sophie la girafe. C'est Sophie la girafe, voilà. Voilà, on vous la montre en fait, à la caméra si vous êtes en live vidéo. Voilà, c'est la petite poupée qu'on a tous quand on est petit. Voilà, va falloir garder son sérieux. Si tu gardes pas son sérieux face à cette petite girafe, bah tu fais des pompes. Et le nombre sera défini par Amélie ou Anaïs, c'est, je c'est sais celle pas de qui, qui. C'est celle de bébé. Ouais, et ça se fait encore maintenant, Sophie la girafe. Bah oui, ça se fait encore énormément. Tu sais que. Mais c'est intergénérationnel. C'est une institution, c'est légendaire. Ah mais carrément. Ça continue et ça s'arrêtera jamais. J'ai l'impression que toutes les générations, Sophie la girafe. Pas de patrouille. Moi je l'ai pas eu. Bah moi j'ai mon petit frère qui est de 2004 qui a eu la Sophie la girafe. Allez, voilà. Elle est pas mimi. Non mais elle fait du bruit la petite Sophie. Bah c'est un peu logique hein, qu'elle bute. Voilà. Alors. Donc, j'espère que ce record va marcher, que ça va me faire rire. Et ouais. Alors donc ils sont en mode sérieux. Ouais. Anaïs. On rappelle ils sont au garde à vous. Alors il y a Teddy, il y a Antoine et il y a Anaïs. Mais j'arrive jamais à garder mon sérieux. Celui qui rigolera. Celui qui rigolera. Ouais. Aura le privilège de nous faire 5 pompes. Les deux qui rigoleront, il y aura qu'un seul gagnant. Oui. Il n'y en aura qu'un seul. Du coup, en fait, imaginons. Toi, parle dans le micro, il est con lui. Il n'a pas compris au bout de 2 ans qu'on parlait dans un micro pour parler, putain. Pourquoi pas celui qui perd le premier, il en fait 10. Et le qui parle le deuxième, il en fait 5. Ouais, c'est bien. Une bonne proposition. Allez. Alors du coup, je fais t'es pas obligé de les aligner. Et celui qui perd pas, il en fait 100. Si j'ai bien compris. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu le son sonore, s'il te plaît? Pour qu'on entende le Sophie la girafe. Alors, attention. Mais vous arrêtez de parler. Si j'ai bien compris, le premier perdant qui rira aura une tapette. Ça t'a rigolé en plus. Du coup, le premier perdant fera 10 pompes. Ton nez est magnifique. Bon, vous allez me laisser parler. Non, pardon. C'est ça, premier 10 pompes et le deuxième 5. Ah, non, excuse-moi, je croyais que t'allais dans la merde. Bon, allez, moi j'y vais, moi. Bon, ok. Allez, va bosser. Mais t'y vas, toi tu commences. Va bosser. Prends le micro d'Antoine. Allez. Non, tu marches pas. Antoine a le micro, tu lui prends. Allez, on y va. Donc on a Teddy, on a Anaïs et on a Antoine. Mais juste, je crois que je vais pas direct. Mais non, faut pas. Mais non, faut garder Antoine. Tu fais concentration face à l'armée. L'armée, c'est 30 pompes, Antoine. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. En ligne. Amélie, Parle moins fort dans le micro. Non, non, je suis parti dans mon truc là. Et les militaires, ça gueule. Hein. Ouais, mais. Ouais, enfin non. Du coup, je suis dans mon truc. Ça sature du coup. Ouais. Garde à vous. Oh, ça sature, arrête. Mon dieu, j'espère que vous avez pas des écouteurs ou des casques parce qu'on n'a pas d'appareil sonotone. Alors. Okay. Alors, voilà. On y va. On a Sophie la petite girafe. Et une concentration. Anaïs, tu ne rigoles pas, tu te concentres s'il te plaît. Et on se concentre dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Anaïs n'est même pas passé qu'elle est déjà mort de rire. Et Antoine aussi, là. Antoine aussi. Mais un peu de sérieux dans cette famille. Mais c'est nul. Oh. Eh, on va la refaire parce que vous êtes pas doués du tout. Mais oui. C'est impossible. Teddy, il a pas envie de faire ses trompons. Allez, attention, vous vous concentrez. Sinon, là, tu sais ce qu'on va faire parce qu'on la refait là. C'est 30 pompes. Donc maintenant, c'est pas 10 pompes, c'est 20 pompes. 20 pour le perdant et 10 pour le deuxième. Non, allez, non, ça marche pas. Faut pas non, il faut rigoler, faut rigoler quoi. Faut pas rigoler. Faut même pas sourire. Allez, on reprend. Allez, attention. Allez, au garde à vous. C'est parti. Allez, Anaïs qui perd. Allez. Anaïs, tu nous feras des pompes. 20 pompes. Alors, 20 pompes pour Anaïs. 20 pompes. Alors, entre Teddy et Antoine, qui va craquer? Bah, c'est Antoine. Antoine, ils sont pas doués. Mais vous êtes pas doués, bordel. Oh là là. Et ça a tenu 5 secondes. Bravo Teddy. Dommage. Grand maqueur. Allez Anaïs, tu fais des pompes. Allez, ça fait des pompes. Ah là, ça rigole moins d'un coup. Allez, hein. Allez Anaïs. Allez. C'est parti. Et Antoine, pendant qu'Anaïs fait des pompes. Non, fais des pompes aussi. Vas-y, allez, c'est parti. Une, deux. Hey. Deux, allez, trois. C'est quoi ces pompes là? Quatre. T'es dit arrête de relooker son cul. Mais c'est quoi? Cinq, six. Huit. C'est neuf, quoi ces pompes? C'est pas des dix. Pompes ça. Hey, on rigole ou quoi? C'est pas des pompes ça. Déjà on a dit 20 pompes. Alors déjà ils savent pas tenir. C'est pas des pompes ça. Ils savent pas tenir et en plus ils savent même pas faire des pompes. Fais 5, fais les 10 pompes de plus. Elle fera son autre dizaine de pompes plus tard. Ouais. Elle est pas obligée. C'est pas grave, mais t'as fait des pompes féminines. On va, faire un contrat sur 2 ans. C'est, vous payez une fois maintenant et 3 fois plus tard. C'est 4 fois tous les lundis. La suite après la pub. Et de. Allez! Je mets pas tout mon poids en plus. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, Antoine fait des pompes avec Amélie dessus. Bah forcément, ouais, il va s'écrouler. Il fait pas les pompes, il s'écrase. Il s'écrase, évidemment. Bon. Ne tente... On peut recommencer, je rigole plus. Ouais, ne tente même pas te relever. Anaïs propose de recommencer. Ouais, non. Non, franchement, non. Where will you be? C'est signé Tiffany Albert sur Indestar et dans Actu Solide. C'était le record complètement raté de cette semaine. Et dans un instant, on aura autre chose. On aura Raconte-nous des histoires. La suite c'est C-T-U-S-O-L-I-T-E-S. Jean-Pierre. Actu solide, comme mon émission préférée sur Indestar. Bravo Jean-Pierre, vous gagnez un dictionnaire dont vous n'aurez pas besoin pour écouter votre émission. Un jour je serai grand, je serai plus un enfant, je serai grand chanteur. Alors si je peux me permettre, peut-être grand chanteur, peut-être en taille, mais en talent peut-être pas. Bon voilà, vous savez, on aime bien mettre des musiques un petit peu décalées, des musiques un petit peu... Nul à chier. Insolite, voilà. Je veux pas dire, mais tu rigoles tout seul à tes blagues. Non mais j'aime bien ce genre de musique moi. C'est le genre de truc que j'écoute au quotidien. Steak. Bon, avec le ou sans le steak? Avec ou sans patate. Je pourrais la mettre celle-là aussi. Bon, vous le savez, aussi dans Actu Solite, chaque semaine, on a des histoires à vous raconter. Mais ces histoires, des fois, elles sont vraies. Et puis, des fois, elles sont pas vraies. Alors, celles de Jolan, elles sont tout le temps vraies, par exemple. Mais des fois, on en a qu'on invente carrément. Et c'est à nous de le dire, hein, avec l'ardoise qu'on a. Et vous pouvez d'ailleurs jouer à la maison aussi. Est-ce que les histoires qu'on va vous raconter sont vraies ou pas? Alors, exactement. Justement, commençons par... Bah, vrai, du coup. On sait jamais. Il pourrait nous piéger un jour, à la fin de l'année. Ceci se passe à Barcelone. Ouais. Voilà. En Espagne. C'est ça. En quelle année? En quelle année, j'en sais rien. Un sacré réflexe pour un petit miracle. Lancé à plus de 130 km/h dans une montagne russe, un homme a réussi à rattraper en plein vol le téléphone d'un autre passager. La scène s'est déroulée au parc du célèbre Barcelone, en Espagne. On l'a pas déjà fait. Du célèbre quoi? Si ça me dit quelque chose. Non. On l'a déjà. Ah non, c'est par rapport à toi qu'il y avait un téléphone qui était tombé ou pas. Ah oui, ça c'était ouais, autre ça chose. C'était une question. Ouais. Rien à voir. Alors oui. Bah vrai du coup. C'est vrai que je me suis pas foulé pour et celle-là. C'est 35 mètres qu'il est tombé, je crois. Non, il est tombé de 78 mètres. Ah, c'était pas le même. Donc il a rattrapé. Ah, je dirais vrai. Ah mais si, on l'a déjà fait. Attends, non, oui, dans le parc d'attractions, oui. C'est sur une attraction et l'autre il perd son téléphone et l'autre il te rattrape oui. au vol. Oui, mais à 130. Mais si, c'était ça. C'était pas la même anecdote. C'est pas la même. Mais non, parce que moi j'ai 35 mètres, je me souviens d'un 35. Moi j'ai 60. Ah mais en fait, ça arrivait tellement de fois. Bah ouais, apparemment. C'est pas si insolite. Mais faut croire, ça arrive tous les jours. Mais quand même, le mec il a dû se défoncer la main, genre à 130 km/h. Non, tranquille. Ouais, mais c'est un téléphone, ça pèse. Bah je sais pas. Ça dépend comment tu. Ouais, ça dépend comment tu le réceptionnes. C'est oui. ça. Bon, c'était donc une vraie histoire. Oui, pour le coup, oui, ça et c'est vrai. J'ai fait vrai, on dirait une écriture de fille, moi, sur ma tablette. Moi, on écrit. Moi, je sais pas. Non, on dirait une écriture de. De vieux. Eh, hey, t'as vu, t'as lancé ta boulette, ça a atterri directement sur la tranche de ma tablette, ça m'a protégé. Bouclier. Ouais. Et après, on dit que c'est moi qui joue au papier. Hein. Ouais, parce que tu vas lui renvoyer. Non, je suis adulte. Donc, je ne jouerai pas dans son jeu d'enfant. Adulte et responsable. Tu viens de dire quoi? Il y a un truc qui sont incompatibles. Bah, t'es dit. T'es dit. Alors, je vais prendre ma feuille à l'endroit c'est mieux. Ah, je vais m'installer. Est-ce que j'ai mal fait ma phrase? Je vais relire vite fait. Ouais, non, c'est bon. C'est parce que c'est vrai que j'étais un peu shooté cet après-midi. Ah bon, oui, bah oui. Alors. La drogue, c'est pas bien. En Nouvelle-Zélande, les conducteurs payent une sorte de vignette symbolisant le droit de rouler. Facile, c'est un peu comme nous. En gros, c'est un macaron pour leur voiture. Ouais, ouais. Pour la faire passer de 110 à 30 dollars, pas moins de 900 Néo-Zélandais ont déclaré leur véhicule dans la catégorie corbillard. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Pris la main dans le sac, une femme dans la trentaine a affirmé qu'elle utilisait sa voiture pour transporter des volailles mortes. Ah ouais, genre. Oh, c'est cool. En fait, elle transportait des poulets congelés achetés au supermarché et elle a quand même bien reçu son amende. Est-ce vrai ou faux? Ah, c'est pas mal pour une fois qu'on comprend ton histoire, t'es dit. Oh. Je tenterais de dire que c'est vrai. Moi aussi. Ouais, moi aussi, mais. Mais attention! Teddy est un petit voyou. Bon, allez, moi je modifie qu'un détail hein, et ça la rend fausse. Moi je mettrais faux. C'est tellement pervers de faire ça, mais. L'autre il hésite tellement qu'il met 3 jours à écrire son vrai. Non, c'est pas ça, c'est que j'essaie de trouver un truc. Mais en plus c'est vachement moche quoi. Moche pour écrire vrai. Moi je dirais faux. Alors on a vrai. Je ne suis pas un mouton! Non, mais des fois il faut je l'être. Bah je m'en rappelle plus. Attends, tu te rappelles plus si c'est vrai ou faux? Sérieusement? Normalement tu l'oublies pas ça. Non, mais réveille-toi. On est où? En fait c'est faux. Oh merde. Ah. C'est faux. Alors faut pas être un mouton. Mais elle est tirée d'une histoire vraie ou que j'ai modifié certains détails. Oui bah c'est faux quoi. Ouais. Mais en fait elle a pas reçu d'amende. Ah bon? Parce que ça c'est passé en fait. C'est passé crème. Non mais comment c'est possible? Bah ils ont dit non mais faites plus ça mais. Ah oui quand même. Ah parce que sinon si tu veux moi je tue une mouche. Une mouche que je mets sur la plage arrière, je dis c'est bon, j'ai un cadavre. Mais là c'est pas pareil, là c'était des poupoules. Ils ont retiré des lignes. Ouais, mais c'est comme si t'allais faire tes courses au supermarché, tu prends un bistec, ouais, j'ai un veau mort. Non. Bah ouais. Bah ouais, non. Du coup, c'est un. Allez, à toi, Ninous, it's for you. Ok. Ah, allons-y. Oh, avec l'histoire de Ninouche. On n'a pas le hockey. Okay. Non, on a. Ah, je suis prête. Ah. Attends. Dépêche-toi. Oh, ok. T'as vu comment je le connais par cœur, la Willy? À moi. En 2013, un couple français était parti se baigner au bord d'une plage romantique au coucher du soleil, la digue aux Seychelles. Mais en revenant au rivage, ils se sont sentis humiliés. En effet, en arrivant à la plage, leurs affaires avaient disparu. Ils étaient donc à poil. En regardant au loin, ils se sont aperçus qu'ils étaient à 1 km de ce couple. Hein, ils ont les fringues. Ils ont couru jusqu'à leurs affaires. Mais en les prenant, ils se sont aperçus que des dizaines de crabes, justement, avaient volé ses affaires. Bah. Attends, les crabes avaient volé les affaires des gens? Alors les dizaines de crabes. Ouais, et donc ils ont couru après leurs vêtements. Ça doit être faux, ça. Hein. Attends. C'est faux. Et donc pour se venger, le couple a décidé de manger un ou deux crabes. Ouais, c'est faux. C'est faux. Alors, ouais. Non, c'est. Alors là, j'aime bien l'insolite. Mais là, non. Non. Bah tu peux piquer les crabes et, mais... C'est totalement histoire, faux comme histoire. Elle l'a mal faite. C'est totalement faux. Bah merci, ça m'a dit qu'il m'a aidé à faire le truc. Eh bah oui, non, mais il faut pas se faire aider par Amélie. Ah bah c'est clair. Donc c'est faux. Hein. Amélie c'est faux elle aussi. Tu sais que je me suis repris à 4 fois pour refaire cette histoire, j'arrivais pas. Et t'as quand même chié dans le... C'était pas crédible. Alors il y avait le mot rivage au début. Elle avait l'air plus drôle en fait l'histoire. Ouais, mais en fait non. Ouais, mais en fait vous dites, ils voient leurs vêtements à 1 km, donc déjà faut qu'ils voient il y a 1 km des vêtements. C'est exactement pour ce que commencer. J'ai dit. Non, en plus, c'est de la façon dont tu l'as dit, c'est les vêtements qui ont les. En même temps, moi j'étais à la douche et à me poser des questions. Moi je dis bah écoute, ils vont attaquer par un crabe si tu veux. Après, ils voulaient qu'ils les mettent. Ils arrivent et en fait ils se sont fait voler. Mais c'est pas possible, il est verré. Quand tu nages dans la mer, tu vois pas forcément ce qui se passe au rivage. Mais oui, mais ils disent que juste avant, il y a une incohérence. Ils disent qu'ils les voient il y a 1 km, les vêtements. Ils voient leurs vêtements, ils sont atterrés 1 km. Ouais. Et là, après, ils arrivent sur place et oh bah non, on s'est fait voler. Ah bah non, bah merde. Bah dis donc. Assholes. Hello. En fait, j'aurais dû choisir mon. En gros, là, il t'a cité trou du cul. Je donc, il y a une incohérence dans votre histoire. Voilà, mais bah, c'est pas grave, allez, soit. On sait que c'est de la faute à Amélie. Grave. Toujours de la faute d'Amélie. Toujours. Je suis un bon dos. À toi, à moi. Ouais. Oh, attention. Alors, en Italie, un maire a fait parler de lui. En effet, le maire devait payer une amende. Putain, je sais même plus ce que j'ai écrit. Faux. Devait payer une amende pour s'être baladé tout nu chez lui. Un maire? Oui, un maire. Bah, c'est genre le maire. Bah ouais, mais c'est vrai. Attends, laissez-moi finir. Son voisin a porté plainte pour motif d'exhibition. Car sa femme, tous les soirs, regardait le maire par la fenêtre, voulant ne plus coucher avec lui. Car, dit-elle, le maire est mieux foutu que son mari. Le maire, contrarié d'avoir appris ça, a dû payer une amende de 1000 euros à peu près et des dommages et intérêts à son voisin de 150 euros. Il a donc payé son voisin avec des pièces de 1 centime jusqu'à 149 euros, et un chèque d'un montant de 1 euro. Et une lettre était trouvée. Vous trouvez ça absurde, moi aussi. C'est faux. C'est faux. Tes prix sont même pas cohérents, j'ai pas compris. Mais Lou, y'a personne qui fait attention. Tu dis qu'il paye une amende de 1000 euros et il paye 150 euros. Et un chèque de 1 euro. Non, ouais. Non, c'est qu'en fait, là, c'est dit dans l'histoire. Ouais. Un dommage et intérêt de 150 euros à son voisin. Oui, mais pourquoi donc, un chèque de 1 euro aussi pour les mais parce que toi, t'as jamais vu la pub. Ah oui, ton gars pas à télé. Si, si, y'a une pub pour une assurance. Vous trouvez que ça absurde ou qu'elle paye tout en pièces. Voilà, et à la fin, elle dit que c'est payé par chèque. Le reste par chèque. Et il restait 1 euro. Du coup, c'est totalement faux. Bah là, le maire, il a fait pareil. Il a payé 149 centimes. C'est un X. Ouais, c'est faux. C'est un X. Comme si c'était. Genre, je l'écris même pas. C'est la pub préjugé numéro. Je prélève mon stylo. Lilo, on est trop nuls ce soir. J'avoue, là, manque d'inspiration. Ça fait chou blanc. Non, mais avoue, elle était pas mal, mon histoire. Bah ouais, mais il y avait quand même des incohérences. Il y avait aucune incohérence. Tu dis qu'il doit payer 1000 euros et tu dis qu'il paye que 149 et 1 euro. Mais non, je te dis qu'il doit payer 1000 euros, mais il doit payer 150 euros d'intérêt à son voisin. Bah oui, mais c'est le 1 euro, moi, qui l'a. Mais non, du coup, il a bloqué. Mais parce que t'as pas vu la pub. Bah non. C'est pas lui qui est en tort. T'as le droit d'être à poil chez toi. Mais alors là, non. Si t'es à poil chez toi et qu'ils te voient, que ton voisin te voit par derrière. Ça dépend. Je te jure que t'as pas le droit. Ah ouais, bah. En fait, si tu veux, t'es mère, voilà, tu vois ça. En fait, tu te retournes, tu portes plainte contre la meuf qui, elle, fait du voyeurisme, te regarde. Exactement. C'est exactement ça qui se serait passé. Mais non, parce que. Bah si. Par exemple, si tu vois quelqu'un de nu dans ta. Par exemple, tu te balades. Ouais, mais il suffit de dire que c'est dans sa salle de bain, c'est la fenêtre ou genre de truc et tu vois. Pff. Mais je te promets. Ah, c'est parole contre parole. Hein. Ma voisine que j'espionne par la petite. Dans sa salle de bain quand elle est nue, en fait, je pourrais porter plainte contre elle. Oui. Ah. Mais non. J'avais pas pensé. C'est pas ça. C'est pas bon, ça. Bon, bah, madame, truc, si vous que... écoutez, mettez un coup. Vraiment, il y a vraiment une histoire vraie où le voisin se baladait tout nu chez lui. Ouais. Mais il avait pas de rideau. Donc ça dérangeait sa voisine et a porté plainte contre la personne. Si le mec se met devant une baie vitrée, effectivement, c'est embêtant. Mais si. Si le mec est à poil en train de boire son café. Ça peut déranger certaines personnes. Alors que si ouais, c'est mais vité, pas toi. Du tout. Mais t'es pas obligé de regarder chez les gens, c'est ça le problème. Bah non. Oui, bah les flics ils peuvent. Ils ont juste. Non, les flics non plus sont pas obligés de regarder. Ça, les flics non plus sont pas obligés de regarder. Mais je vous jure que c'est vrai. Oui, non, mais c'est complètement con comme concept. Bah oui, mais c'est vrai. Genre, je t'ai vu à poil, je vais porter plainte. Et bah c'est oui, ça. T'as mais il y a deux oppositions là-dessus, c'est comme pas au chocolat et chocolatine. Il y a un grand gagnant, tout le monde le sait que c'est pas au chocolat, mais il y a toujours des gens qui vont dire chocolatine. Dans le sud de la mais France. Là en fait, t'as le droit de te balader à poil chez toi, c'est tout. Enfin, oui, du moment que personne te voit. Du moment que t'es beau. Ouais. Bah franchement, toi, c'est exactement ça. À partir du moment que t'es moche, ça va gêner les gens. Ah bah ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Si t'as la voisine super bien qui se balade à poil, parce que j'en connais un rayon sur le nudisme. Ouais, parce que si, bon, ils. Ah oui. Ok, passons à la suite. Steak. J'ai une histoire et je vous emmène au Danemark. C'est là que se trouve notre champion de la semaine. C'est un jeune trafiquant de drogue qui se balade régulièrement avec de la cam. Beaucoup de cam, puisqu'aujourd'hui il en a 1000 sur lui. 1000 joints. Mais la cam c'est pas des joints. Et là c'est des joints. Non mais de la cam c'est de la drogue. Et ça, là il a 1000 joints sur lui. Ça sent le fake. C'est bizarre ton histoire. Ouais. Attends, on va attendre la suite. Il a de la cam, donc il a de la drogue. Il a 1000 joints sur lui. Je vois pas où est l'incohérence. Non, mais l'incohérence, c'est qu'il se balade pas en joint. Ouais, non, la cam, c'est de la coke pour moi. Ouais, c'est en kilo, en sac. Mais non, bah, la cam, c'est de la drogue. En sachet, oui. L'herbe. Donc, de non, mais dans la, joints, dans le... c'est de la drogue. Ouais, mais il dénombre pas en ça en joint. Non. Mais là, il a 1000 joints. Genre, quand tu parles de cam. Mais ils sont chiants ce soir. Eh oh. Quand tu parles de cam, tu parles de coke. Et tu vois, ton histoire aussi, elle est pourrie. On s'est tous chiés sur les histoires ce soir. Tu viens combien de grammes et tout ça? T'as combien de kilos sur toi? Mais il parle jamais en joint. Bon. Il a 1000 joints sur lui. Et tu crois qu'il s'amuse à faire ses joints? Et je peux continuer Ah oui, il fait ses joints de fenêtre. C'est là qu'il se dit que quand même c'est pas très raisonnable d'en avoir pris autant et qu'on pourrait le repérer. Il décide donc de prendre un taxi. Il monte à l'intérieur du taxi et là il se rend compte que bah, il a fait une petite erreur en fait. Il a confondu la voiture de taxi avec la voiture de police. Oh, c'est fou. Ouais, parce que Danemark, les deux se ressemblent. Donc les policiers ont été bien contents de leur prise, sans avoir levé le petit doigt, ils l'ont conduit au commissariat, et hop, voilà, notre dealer s'est fait piéger. T'imagines le temps qu'il faut pour faire 1000 joints? C'est faux. C'est faux, non mais c'est faux. Déjà c'est faux. Une. On ne connaît pas le quid de notre champion, c'est mais faux. On sait qu'elle a été dans la mec, destination. Un taxi, c'est faux. Regarde, il faut d'un gyrophare, il y a un lampadaire de taxi, si tu veux, faut vraiment être con. Et alors, en plus, renseigne-toi, quoi, ils vendent jamais des joints à l'unité. Alors, mais non, au pire, Amélie, 100 kilos, tu as mis faux. Mais pourquoi 1000 joints? Anaïs, tu as mis... Mais ils les vendent en grains d'habitude. Faux. Et Jolan, tu as mis... Bah faux, moi j'écris plus, je dis faux. Eh bien, c'était... vrai. Non. C'était totalement vrai, je vous ai tous su, je suis trop content. Mais oui, c'est totalement vrai. Non mais alors, je sais pas pourquoi il se baladait avec 1000 joints sur lui, le mec. Mais en tout cas, en plus, il a vraiment confondu une voiture de police avec un taxi. Il devait être, à mon avis, un petit peu... Il n'en avait plus 1000. À mon avis, il en avait 1050 au départ. Il a chumé la moitié de son stock, quoi. C'est ça. Mais voilà, donc il a été conduit directement au commissariat après ça. Il est vraiment cool, le mec, il dit « Oh, je m'installe et tout. Ouais. Bonjour, monsieur, on vous emmène. » Je crois que c'est le premier dealer qui se fait chier à faire ses 1000 joints avant de vendre. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il vendait le pack complet. Mais... Du coup, t'as même pas la preuve qu'il y a de. Bref, passons. La preuve de. Steak qu'il y a de la drogue dedans, quoi. Ils peuvent juste. Bah, allez, nous, ça, ils vont le fumer pour savoir, putain. Mais justement, oui, mais ils le payent avant de le fumer. Hein? Hein? Bah oui, ouais, parce qu'en fait, t'achètes pas un joint comme ça, en fait, t'achètes la drogue. Je sais pas, je mais t'as pas la preuve du. Bah oui. Mais c'est aussi ça qui m'a dit. Enfin, j'ai réfléchi après là et je me suis dit, mais en vrai, c'est peut-être vrai parce que. Bah parce que Yann n'aurait jamais pu inventer ça, il connaît pas spécialement. Mais ouais, la drogue n'est pas son rayon. Je sais pas comment ça marche. Mais... Ah, parce que toi, c'est le tien. Non, mais j'ai déjà vu des dealers, c'est 10 euros, c'est sûr, ils vendent en barrettes ou genre de trucs. Ah oui, c'est et ça. Et après, toi, tu mets dans ta cigarette et ça fait un joint. Moi, les barrettes que j'achète, c'est des barrettes de RAM que tu mets dans l'ordinateur, mais pas des. d'autres choses. Ça, c'est une autre catégorie. Disons que c'est pas la même chose. En tout cas, c'était une vraie histoire et vous êtes tous fait piéjouer, je suis bien content. Bon, c'est clair. Piéjouer ? On s'est tous fait piéjouer ? Piéjouer. Oui. Combien de bonnes réponses, combien de mauvaises réponses ? Moi j'en ai trois bonnes réponses. Trois aussi. Ouais, j'en ai deux. Je crois que j'en ai aucune. J'en ai deux. C'est pas mal. Trois bonnes réponses, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de défi. Oui. Le top objet numéro 2 dans un instant avec l'objet mystère. Est-ce qu'on a des nouveaux votes, Amel, sur la page attends, Facebook? Attends, fallait le dire avant. Ah, mais il faut vous prévenir, faut vous envoyer un pigeon voyageur. Oui, bonne idée. Donc justement, hein, Antoine, quelques minutes. Antoine, où es-tu? Pigeon. On a un pigeon voyageur. C'est nul, c'est nul. C'est méchant. C'est vrai que c'est méchant, il voyage pas alors. Exactement. Si, entre Indestar et sa chambre. Vous allez sur le Facebook d'Indestar et là vous pouvez voter pour votre l'objet mystère. À votre avis, à quoi sert-il cet objet? On vous pose la question. C'est un petit truc en plastique. Ah, ça a changé. Ah, attention, quels sont les nouveaux votes? Alors, c'est en bouchon fantasy, on a 75% et en 25% à sauce goût vomi croquette. C'est vrai que 75-25, on s'en douterait pas. Bah si, ça a changé. Oui, bah non, si, mais tout à l'heure, on se douterait 67... pas que si à 75, il y a 25. Ah oui, évidemment. Amélie, un peu con comme elle est. Il y a un taux de vote plan. Il y a 75 et 48. elle est capable. Le jour où tu nous sors ça, je te jure, je t'allume. L'année dernière, je faisais un sondage, ça se passait bien, mais faut que tu ouvres ta gueule à chaque fois. Bon, de la musique sur Indestar, il y en a maintenant avec... Le remix de Lenny Button Kravitz. Button of the Heat. C'est Domenico Torti. Domino's Pizza. Domino's Pizza sur Indestar. Carglass réparite. Carglass tanche danse. Bonjour, c'est Olivier de Carglass. Faut que je vous explique ce qui est arrivé à mon client cet été. Il avait un petit impact sur son pare-brise. Tout petit, hein, qui faisait moins d'une pièce de 2 euros. Sauf qu'il est pas venu nous voir. Il est pas venu nous voir parce qu'il a voulu partir en vacances, il a voulu profiter du soleil, il a voulu aller avec ses gosses à la plage. Bon, enfin, que des trucs qui servent à rien. Alors qu'il serait venu chez Carglass, on lui aurait injecté notre résine dans son pare-brise. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, et il aurait rien payé. Même pas la franchise. Et bah là non, monsieur part en vacances. Sauf que qu'est-ce qui lui arrive? À un moment donné, il passe sur un dodane. Il passe sur le dodane et là, crac! Le pare-brise, tout fissuré, de A à Z. Alors bien sûr, il vient chez nous, il nous dit bah voilà, mon pare-brise est fissuré, il perd du temps, je change son pare-brise, il paye la franchise, il a tout perdu, le gars. Alors faites pas comme mon client, soyez pas imbécile, venez nous voir. Eh like ouais, on est là. On l'a déjà eu celle-ci. Mais si, on mais l'a plusieurs fois même. Bah, oui, une bah, fois. Il y en avait une aussi, c'était pas toi qui faisais la voix. Mais bon. C'est tout le temps moi qui fais la voix. C'était toi là. Mais oui. Mais c'est moi, Olivier de Carglache. Non, mais t'es naïf toi mais, ou quoi. Mais oui, c'est moi. Mais tu sais, il y a des déformateurs de voix qui existent dans la vie. Putain, mais ça, j'ai même pas reconnu. Ah, mais c'est normal. Mais arrête de lui faire inventer de la merde là. De pas dire de la merde, c'est pas toi qui l'as fait. Mais évidemment que c'est moi qui l'ai mais fait. Mais n'importe quoi. Mais non. Mais il ne me croit pas. Mais non. Mais écoute, attends. Mais si c'est un transformateur de voix. Regarde, écoute. Bonjour, c'est Olivier de Carglache. Faut que je. Tu me reconnais pas. Mais c'est pas du tout toi. Non mais je t'assure que c'est moi. Oh y'a pas marqué jambon sur mon. Mais non mais ça c'est. Mais tu non crois... ça c'est sur tes cuisses qu'il y a écrit jambon. Oh, oh le bâtard. Je t'ai. Et je vais arrêter de faire l'émission avec vous hein. Bon. Tu prends cher Peggy. Non non non mais pour de vrai c'était moi. Oh, putain. Mais pour de vrai. Mais de vrai mais oui bah, je crois pas. À chaque fois en fait j'ai mon enregistreur qui est dans ma poche. Mais arrête t'es preuve en plus. Mais non mais je te jure mais Amel. Je te jure, c'est moi! Et tu croyais pas que c'était lui! Vous ne croyez pas! Vous ne croyez pas! Non, non, mais j'ai mon enregistreur qui est dans mon manteau et je sais pas, des fois comme ça, il me vient l'idée de pub Carglache, donc j'enregistre. Non, mais machin, oui, et, c'est ça, oui. Donc t'es aux toilettes, te dire tiens, je vais faire une pub sur le caca et du coup, tu m'en perds une. Non, c'est que sur Carglass. C'est une bonne idée, j'y penserai la prochaine fois. Non, non, en vrai, c'est moi. Mais abuse pas, c'est. Mais écoutez-le pas, c'est un mytho. Ok, bah je veux la version originale. Vas-y, vu que tu la connais, mais y'a pas de version originale, il l'a inventé. Mais si! Vas-y, fais-la! Mais attends, et c'est quoi? Mais non, mais je te jure, elle me croit pas. C'est mais où? C'est n'importe quoi. Bonjour, c'est Olivier de Carglache. Faut que je vous explique ce qui est arrivé à mon client cet été. Mais non, là, c'est Olivier, attends. C'est pas toi. Mais oui, non, mais bonjour, c'est Olivier de Carglache. Faut que je vous explique ce qui est arrivé à mon client cet été. Et encore, il y a un montage, ça coupe. Non, bonjour, j'ai pas coupé. Bonjour, c'est Olivier de Carglache. Faut que je vous explique ce qui est arrivé à mon client cet non, été. Je crois que j'ai pas coupé. Il y avait un petit impact. On dirait qu'il y a un. Je crois pas. Non, non, j'ai dû le couper à un moment donné, mais ouais. Pas à cet endroit-là. Je sais pas si je dois y croire. Non, mais tu crois ou tu crois pas, mais je jure c'est quoi, moi. Bah, la vous allez chercher sur internet, vous le la vérité de bientôt sur. La vérité, si je mens, sur Olivier. La vérité sur Olivier, mais j'en ai fait un autre la semaine dernière. C'est facile de savoir s'il dit la vérité ou pas. Est-ce que tu crois qu'Yann il ment souvent? Oui. Qui est Yann? Oups. Est-ce que tu crois. Ah oui, il ment du coup. Steak. Ah ouais. Bah du. T'es dit, il va te coucher. Mais non, mais du coup, là, bah écoute, je vais écouter ton enregistreur. Alors, Théo nous dit. Ben bah, ouais, d'accord, ok. Tu voilà. Non, mais ça doit être toujours sur l'enregistreur. En voilà, vrai, j'ai pas dû l'enlever. T'as une preuve, donc je veux l'enregistrer. D'accord, ok. Mais il ment pas souvent, Théo. Pour le coup, non. Il est assez honnête. Attends, comme avec ses sourcils là. Ah ouais, hein. Bon, c'est pas l'objet, parce que justement, les objets, le top numéro 2, c'est maintenant. Alors, j'adore un pare-brise. Un phare 10 heures trouvé, 10 heures trouvé. Alors là, on après a des... le combat de Nibar. C'est le combat de ce gang. Ouais. Exactement. C'est ça. C'est à quoi à ça que ça sert, Jojo? C'est ça. Non, non mais non. Non, c'est pas ça que ça sert. Bah si. Ça c'est pour faire la queue leu ça. Ah, oui, bah, il y a la queue. Je sais pas s'il y a le leu mais. Combat de Gigi Gonfable après le combat. De ça. Ah excellent. Après le j'ai combat. Eh hey, oh, bon, je parle. Il y a la queue mais je sais pas s'il y a le leu. Bon. Ah la queue leu. Non, non, c'est pas ça. Non. J'ai pas compris alors. Pas grave, c'est pas grave. Ok. Ah, mais eh oh. Oh, pardon, Jolan. Eh oh. Je veux parler, bon, ouais. Il est très long quand même, c'est Jolan, ouais. T'as compris le. Ah oui, j'ai bien vu. Alors. On est seul à comprendre, y'a que les femmes qui ont pas compris. Ce que j'ai beaucoup aimé, oui. Peu importe ce dont la nature vous a doté, vous pourrez faire un combat d'Izzy gonflable. Et ouais, et alors par contre, ce que je trouve ridicule, ce sont les. La posture bah, du mec. Bah, ouais. Non. Les images, j'ai pas trouvé. Mais non, mais les testicules. Regarde si. Ah, vous avez la vidéo. Où les tiennes, elles sont aussi petites que mais ça. Mais non, mais elles sont ridicules, leurs testicules là. En vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, ma tablette? La tablette, elle a plus de batterie, elle t'est pas branchée. Bah ouais, elle est pas branchée. Chef. Amélie, putain. La tablette, elle s'est éteinte. Bon. Alors. Vous allez la vexer là. Donc avec alors, ça, on coup... est d'accord que pour ceux qui n'auraient pas les images, vous avez deux pénis que vous accrochez autour de la taille, avec des très petites testicules. Et ça du coup, choque, ça. Et, bah, ouais, et l'idée c'est de se battre en fait. Pour faire un combat, je suppose qu'elles sont assez grosses. C'est... Oui. Ouais, Ça dépend. Voilà. Ouais. Et même les nanas peuvent faire des combats. Et vous savez que ça me fait penser à ça. Allez, viens, viens, on est bien. Oh non. Bah, ça rejoint ce qu'a dit Théo tout à l'heure. Il est parti, le directeur à ce temps-là, il est parti. Hein. Ça vaut cher, cette histoire 13 euros. Ah pour. T'es seul contre tout. Bah si tu veux, décidément. On n'est pas sur le bon. On n'est pas au bon bruit. Ah là là là là là, c'est n'importe quoi ce. Vas-y, recommence. La SMR ne marche pas très bien. 13 euros. Voilà. Teddy, tu as un objet toi. Et le site, tu veux pas savoir. J'ai un objet. Quel est le site internet? Attendez, il a pas fini. C'est quoi le site? Je dis pas. Mais allez. Microsistance. Oui. Bon. Et la prochaine fois, hein. Allez, la prochaine. Oh, on arrête avec les boulettes. Bon, Teddy, on a une cuillère avec marqué pas... Céréal Killer, c'est génial. C'est, ouais, voilà, c'est plus la phrase qui est insolite en soi, parce que l'objet c'est une cuillère tout à fait ordinaire. C'est une cuillère. Mais je dois t'avouer qu'au petit-déj, tu prends ta cuillère Céréal Killer. Ouais, j'adore. C'est génial. Et franchement, c'est pas cher, c'est 1€ sur Wish. Oh, ça va. Ah ouais. Mais bon, en même temps, tout est pas cher sur Wish. Ouais, ouais. Et faites attention parce que c'est peut-être un autocollant qui va se dégrader la première utilisation. Vous allez bouffer les céréales. C'est écrit au feu. Et vous allez bouffer le killer en même temps, tu vois. Et ça sera vraiment des céréales killer. Ils ont. C'est les céréales qui te tuent en fait. Bon, 1€ sur Wish. Amélie n'a toujours pas compris. Elle est déconnectée depuis la leu. Elle est en bas débit ce soir. Bon, on a l'objet d'Anaïs. Alors oui, oh, donc putain, j'ai failli le prendre. C'est un kirki fait main. Un quoi? Qu'est-ce qu'un kirki? Je sais pas, c'est non, ça. Non, moi non plus. C'est pas, alors, c'est pas pour tester les rouges à lèvres, c'est pour poser les lunettes. Ah, c'est un socle pour lunettes, quoi. Ouais, ça. C'est ça. C'est original, c'est sympa. Et c'est puis, moche. C'est fait maison. C'est fait maison. Ça, ça oui, mais c'est moche. Ouais, mais c'est fait maison. C'est comme le collier de pâte de son gamin. Mais on dirait que la figurine, elle est teubée, quoi. Bah, disons que ça fait peur, quoi. C'est vraiment horrible comme objet de décoration. J'avoue. C'est de l'art abstrait, c'est de l'art, je sais pas comment. C'est l'art de placard, de l'art en fait. C'est fait avec du bois manguillé indien. Très bien. Mais... Oh, c'est génial. Ça valait le coup, hein, franchement. C'est dégueulasse. Okay, la déforestation, bon. Quand je dis que c'est l'art de placard, c'est-à-dire que c'est le genre d'objet que tu mets bien au fond dans ton placard, que tu ne c'est vois ça. Pas. Ça fait partie du placard. Et en plus, je pense que ça vaut une fortune, ton petit truc-là. Genre 40 euros. Genre sur Amazon. Ouais. 5,79€. Ah, et tu crois vraiment qu'ils sont en bois de je ne sais quoi à 5€? C'est du bois en plastique. Ouais. Et bah écoute, c'est Amazon qui me l'a dit. À toi. À moi? Ah si, c'est Amazon qui l'a dit. Alors à moi. Et moi je vous propose pour tous les joueurs, pour tous les geeks de Peck Avenger, vous avez adoré jouer sur des bornes d'arcade. Ouais. Tu l'as trouvé sur Wish. J'ai trouvé sur Amazon. Non, j'ai trouvé sur ouais sur Amazon. Ouais. Vous avez la possibilité d'avoir une mini borne d'arcade et de jouer avec. Donc c'est la même chose qu'une borne d'arcade, sauf que ça tient dans la main. Et ça ne coûte que 5,99€ sur Amazon, donc avec un petit écran de 2 pouces 5, avec une résolution pour jouer au jeu de 16 bits des anciennes consoles. Cool. Et il y a 3 piles qui sont non incluses. Attention. Comme d'hab, le bon arnaque. Les acheter. Mais vous pourrez jouer donc au jeu d'antan, comme ça, sur votre mini borne d'arcade. Est-ce que c'est pas la classe? Vous êtes c'est dans le glace au bureau et vous avez cette mini borne d'arcade à côté pour 5,99€. Oh, j'ai envie de dire, c'est une affaire. C'est que vous. Ouais. Ça devient automatique. Amel, on sent qu'elle bosse dans une dans une boîte à la caisse, voilà. Parce qu'elle fait caisse enregistreuse, voilà. Elle aimerait bien avoir ce bruit. Elle est en train de tapoter sur la tablette et là, d'un seul coup, boum, ça valide le prix. Ouais, toi, ça fait plus bip bip bip quand tu passes à la caisse. Il y a pas de bruit de tiroir, c'est triste. On va dévoiler maintenant l'objet mystère pour terminer, celui d'Amélie. Quel est cet objet mystère? Vous avez été nombreux à voter ce soir sur la page Facebook de l'émission. C'est un petit objet en plastique, mais à quoi sert-il? Tu peux appuyer dessus, il y a quelque chose qui sort. Sans titre. Ah. Il y aurait quelque chose qui sort de cet objet. Steak. Non. Pourquoi vous balancez tout le temps? C'est drôle, et moi quand je le mets, c'est plus drôle. Ou alors haché. Ah putain, c'est nul ça. Ça c'était haché par contre. Oui. Haché. Haché. Bon alors c'est quoi? Ta tablette de merde n'avait pas marché, ça m'agace. Du coup c'était des bouchons fantasy. De tout? Est-ce qu'il faut enfoncer la tête? Ouais, c'est génial. Bah, bouchons fantasy. Oui, c'est pour boucher genre ton shampoing. Et le ketchup. Le ketchup tu mets le vampire par exemple. Et la mayo tu mets le zombie. Ah mais ça sort quand même par la bouche. Bah oui. C'est pas qu'un bouchon. Ça sort pas. À ce moment-là, ça fait pas bouchon si ça sort. Bah, ça doit, ça doit bouchon, se visser dessus. Quoi. Mais en gros, tu vois, ça doit être un truc stop coulement, enfin ah, un oui, système où en gros, t'appuies, ça sort, et si tu appuies plus, ça peut plus sortir. D'accord, c'est comme les seins. Avec, oui. Avec le lait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça pue pas, ça sort pas. Mais sinon, c'est aussi comme les boutons d'origine des ketchup, en fait, t'as pas besoin de l'enlever. Il y a aussi ça. Mais je mange pas de ketchup, c'est pour ça. Donc, mais arrêtez, c'est stylé quand même. C'est mignon, c'est adorable quoi. Ouais, c'est mignon. Oui. Ouais, mais quand on a pu. Mais imagine, ta bouteille de ketchup est à moitié vide. Ouais. Tu vois, tu dois la mettre sur le côté là pour. Je vois le vampire, tu vois, t'es obligé de mettre sur le côté pour que ça verse. Mais du coup, faut que tu mettes. Pour vider, pour avoir le fond de ta bouteille, faut que tu la mettes totalement à l'envers ta bouteille. Ouais. Mais du coup, ça va pas couler là. Ou alors ça va couler à côté de ton assiette. Bah, je pense que pour la fin, tu dois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais pour la fin. T'es obligé d'enlever, hein. Faut l'enlever. Ouais. C'est vraiment très con le système. Mais c'est sympathique comme déco, on est d'accord. Ouais, vas-y, rattrape-toi. Pour Halloween. En plus, je pense que ça coûte pas grand chose. Et je pense qu'Amélie est formidable. Ouais, c'est ça. Et je pense que. Alors ça coûte. Je pense que j'en fais trop. Steak ! Oui. Non, là c'était mal joué là le steak. Hein. Si, c'était très bien. Non, mais lèche-cul aussi, toi. Ouais, exactement. Eh, hey, tu mets quoi sur ton steak? Mayonnaise ketchup, comme ton bouchon. Papa ça va trop loin cette émission. Heureusement que c'est bientôt du fini. Coup, bah, ça va être tout ça. Ok. Alors, combien? C'est bon, je peux parler là? Ouais, bah oui. Du coup, ça coûte 3,99€. Et je vous donnerai pas le site. T'as tapé sur le 8? Tu as tapé sur le 8? T'as tapé sur le 8, sur le bouton 8? Oui, c'est la caisse enregistreuse. Ouais, mais si elle fait pareil quand elle est à action. J'ai pas de numéro sur la caisse. Ah. Bon, combien? Mais je te l'ai dit, 3,99€, mais ouais. Je donnerai pas ce site parce que pourquoi j'étais sur un site bizarre. Ah, bizarre, pourquoi? Et je pense que je masturbe là aussi. Mais non, mais. Quoi? Elle venait de regarder le masturbaton. C'est ça. Et mais non, mais parce qu'en fait, je suis allée sur ce site-là. Ouais. Et pour moi, c'était pas un site sécurisé. Ah. Donc, comme j'aime ces auditeurs qui nous écoutent, ouais, je ne vous donnerai point ce site pour vous faire arnaquer. D'accord. Donc, mais on n'achètera pas le site les bouchons. C'est à leur choix, Fred. Ouais, vous pouvez. Mais alors, non, si vous voulez que... vous faire arnaquer, allez sur non, ce mais site. Parce que le site était vraiment trop bizarre. J'avais le prix, mais je sais pas si c'était fiable. Tu penses pas l'auditeur, tu vois, tu as donné envie d'acheter quelque chose là. Ah, et du coup, il est frustré. Ah, l'auditeur. Et bah, vous trouvez, ascenseur auditeur. Vous trouvez ça un peu partout, hein, mais pas sur le site que je vous ai donné. Ok, très bien. Quelle frustration on a. Bon, par contre, je vais pas vous frustrer avec la musique parce que The Hit c'est trop bon. Button of the Ape sur Indestar et la manifestation insolite de la semaine à découvrir dans 3 minutes 30. Ils sont nombreux, ils parlent en même temps et rigolent fort. C'est Actu Solide sur Indestar. Oh, you touch my tra-la-la. Ouais, ouais. Tant qu'elle chante pas, c'est bon. C'est allemand, écoutez. Ah non, c'est anglais. Donne le choix à l'œil. C'est anglais ou c'est allemand? Ah oui, franchement, c'est anglais. Ouais, mais franchement, ça pourrait passer. Ouais. Ça pourrait passer comme un titre normal. Ouais. Et ça a du rythme, hein. Ça me fait penser à une musique. Ça fait juste un peu de l'électro un peu moisi, mais bon. Ouais. Ça passe en vrai. Ouais, j'avoue, ça un passe. Un peu passé, tu vois, un peu périmé. Ah, genre, écoute, attends. Dans les années 2000. Il y a la femme. Oh non, les années 80, là, plutôt. Ouais. Oh mon dieu. J'adore. On dirait une Laurie, mais en. Oh, you touch my tra-la-la. La-la-la. La-la-la. Et j'aime bien. Ouais, c'est pas si mauvais que ça. Hey, on a des fans dans l'équipe. J'aime bien. Ouais, ouais. J'aime bien quand vous êtes comme ça. J'aime bien quand vous êtes c'est fun. Une bonne j'aime bien ça. Quand vous avez l'esprit actif. Si depuis que t'as mis la musique, Anaïs est allé avec son papier depuis tout à l'heure. Ouh là là, j'ai chaud. Bah, c'est vrai que c'est l'été ici. Ça lui a fait on a peut-être un peu trop poussé le chauffage. La chaleur corporelle. Il fait chaud. Pour terminer cette émission d'Actu Solide à 23h02, nous avons notre manifestation insolite de la semaine. Manifestation à ne pas louper, surtout si elle se passe près de chez nous ou près de chez vous. Là, la manifestation, on la connaît tous. Ah bon? C'est quelque chose qui se passe depuis des années. Donc c'est des pas insolite? Non, pas du tout. Quel moment, mais je te vends moi. Et après, voilà. J'ai du mal à trouver moi. Bah maintenant, oui, mais bon, il va y avoir Noël de mes. Ouais, pas. Bon, ouais, c'est vrai que maintenant en ce moment c'est tout est pour Noël. Du coup, alors Jolan est en train de se faire des selfies. Ouais. Il est content, voilà. Il fait son petit selfie. Là. Genre, il dit regarder l'émission, c'est déjà fini. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est genre il envoie une meuf. Ouais, je suis à la radio. Et regarde, et regarde Poupée, je suis en direct tout live. Ouais, vu, c'est moi l'animateur vedette. Ouais, surtout ouais, que j'ai fait un gros zoom sur ta tronche, donc non, j'ai pas. Et il se l'envoie en disant que c'est lui. Ouais, c'est ça. Tu crois que t'es un animateur star? Et du coup. Steak. Bon. Mais te fous un blanc à chaque fois avec ton steak. Mais non, ça relance l'émission. Mais non. Ça relance pas. Enchaîne, Amélie, en enchaîne après le steak, voyons. Mais toi, t'es toujours d'accord avec lui, façon. Exactement. Deux filles contre trois mecs, tu veux qu'on passe quoi? C'est le principe de la radio, on est toujours d'accord avec le plus haut gradé. Pour prendre sa place. Sauf que l'élève peut rattraper le maître. Ouais, mais sans boubou. Si t'acceptes pas les steaks, si tu te fais pas aimer du. Ah bah ouais. Voilà, t'as aucune chance, hein. T'inquiète. Je peux me faire aimer. Ah, pas sous le bureau. Le connard. Chérie, si t'entends ça, c'est pas vrai. Alors. Mytho. Bah oui, t'écoutes pas. Alors, marché de Noël. Du coup, on va marché de Noël. On va marcher, on ouais, va c'est parler génial. Du marché de Noël, ouais. De Strasbourg. Ah, grand marché de Noël. Et grand marché de Noël. Évidemment. Saturation micro. Ben oui, mais chaque année à Strasbourg, il y a un marché Noël de folie. Ils offrent des saucisses. Il y a par exemple des saucissons. Des saucisses. Y a du pâté. Des saucisses. Il y a des saucisses. De Strasbourg. Il y a aussi de Strasbourg. La chair de Père Noël. Non. Non, il y a juste les étiquettes de la morgue. Par contre, il y a des saucisses. Bon, et il y a quoi d'autre? Bah c'est tout. Il y a rien d'autre à Strasbourg. Allez à Strasbourg. Il y a la choucroute. La choucroute. Du coup, ça commence fin novembre, donc là, je crois que c'est ouvert. Ouais. Je crois qu'il a ouvert ce week-end. Bah, je sais pas, mais je crois que ma cousine peut me confirmer parce qu'elle est strasbourgeoise. Donc. Strasbourgeoise. Elle a une désolée si t'as de la famille strasbourgeoise, partout. Jojo. Ouais, oui. Et il m'a dit qu'elle était plutôt jolie. Hein. Et elle est plutôt jolie. Est-ce qu'elle ressemble à une saucisse? À la Dick Nike à la place des doigts de pied, ça se passe comment? Mais c'est méchant. Parle-moi. On s'en bat pas les couilles de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: ah, t'as des doigts de pied comme des knackis, ça fait des petites boules et tout. Ah, moi régulièrement on me le dit. Non, en fait. Non, mais t'as déjà entendu ça? Genre, t'as des doigts de pied comme des knackis? Totalement. Sérieux? Ça veut tu dire que Inès est gros? Oui. Inès, c'est une fanatique des pieds. Fait partie de la radio. Ah, elle est bizarre. C'est une fanatique des pieds. Elle regarde les pieds des gens. Ah. D'accord. Elle dit: ah, toi t'as des beaux pieds, toi t'as des knackis. T'as des knackis. Toi t'as le pied grec, trop carré. Et pour moi, les knackis, ça se mange, oui, ça se mange. Oui, en principe, ça se mange. C'est que c'est gros. C'est petit et long. Alors, oui, c'est pas beau, généralement. Quand on dit que t'as des doigts de pied en knacky, c'est pas beau. Ils sont petits et longs. Non, ils sont gros et... Gros et joufflus. Ouais. C'est d'Amel. Et tu vois. Amel, tu rigoles. Moi, quand j'avais été me baigner à l'étang, il y avait une meuf qui était avec moi. Ouais. Une ancienne amie à moi. Ouais. Et elle me fait, franchement, j'ai jamais vu des pieds aussi beaux que les tiens. Ouais, mais est-ce qu'elle avait des pieds déjà? Compare à elle. Si elle... Non, arrête, mes pieds sont magnifiques, ils sont comme ça là. Ils sont comme ça. Ils sont pas comme Anaïs là avec le doigt de pied plus gros que les autres. Mais c'est vous pas êtes pourquoi jumelles. Le milieu il est grand. Pardon, je faisais pas ses orteils. On dirait qu'il fait un fuck tout seul le pied quoi. Il y a toute une typologie sur les pieds, genre la voûte plantaire qui doit être incurvée avant dans les chaussures, on mettait des trucs, on torturait un peu les enfants. Mais ça veut dire qu'on se réfère à un modèle de société, on dirait. C'est ça. Bon, quand même, on est passé de marché de Noël au pied quoi. Bah oui, bah, c'est la même chose. Ouais, mais c'est la vie, les pieds. Non, mais en vrai, t'as des beaux pieds, Amel. Oui, je te les montrerai tout à l'heure, toi. Ouais. Moi, je demande à voir. J'ai hâte. On prendra les pieds d'Amel en photo. Et en plus, des fois, ils changent de couleur. Des fois, ils deviennent jaunes. Ah bah oui. C'est caméléon. Ça, c'est la syphilis. Les champignons. Non, alors là, non, c'était pas des champignons parce que j'étais voir ma dermato et en fait, c'était. Non. T'es vérifié quand même. Bah mais oui, non, mais parce que t'as les pieds jaunes, tu te demandes pourquoi. Mais en fait, c'était une crème Nivea qui mettait les pieds jaunes. Moi, je connais les mecs avec des pieds noirs. Ouais, c'est ceux qui habitent en. Mais ça, c'est la guerre, ça. Mais non, les pieds noirs. Oh, mais putain. C'est les Français qui habitent dans le nord de l'Afrique, je sais plus. Oui, où, dans les pays ça... qui étaient. Ah, j'ai oublié. Oui, moi aussi. Maghreb, non. Non, mais non. L'Algérie. L'Algérie, par exemple. Voilà, Algérie. Oui. Putain, ça y est. Ah oui, des pays qui étaient des colonies de françaises. C'est ça. Les Français qui habitaient là-bas, ils s'appelaient des pieds noirs. Mais c'était pendant la guerre. Mais non, pas pendant la guerre. Non, pendant les colonisations. Oui. C'était la guerre. Même de notre temps. Mais putain, mais. Les colonisations, c'est pas la guerre. Arrête de taper contre le bureau, tu me fais rehausser mon micro. Alors, c'est pas la guerre. Bordel, j'ai le droit de taper. Steak. Bon, parlons du festival de Strasbourg là. Oui. Merde, avec c'est pas un festival. Marché, bordel, putain, vous me faites dire des conneries là. Et du coup, il y a plus de 300 chalets. Un sapin au cœur du marché de plus de 30 mètres de haut. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bah, c'est un sapin. Vous en battez les couches, je crois que vous allez dire: ah, oh, c'est trop bien. Non, mais je suis encore sur les pieds. Tellement, ouais, c'est pareil. On aurait dû parler de pieds, ça aurait été mille fois plus intéressant. Et du coup, de nombreuses animations sont au programme: concerts, spectacles et des expositions. Merci, au revoir. D'accord. Ah, c'est tout. Tous les marchés de toute façon, vous vous enthousiasmez pas. Non, alors, mais non. Il faut avouer, pour ta défense, Amel, que le marché de Strasbourg est réputé comme un marché de Noël assez sympa. Et bah moi, je vais vous confirmer parce que j'y suis allé il y a 2 ans maintenant. Et oui. Putain, les casse-couilles, il a tout fait. Il a fait de la Porsche, il a fait le marché de Noël. Ouais, il a été à la Réunion. Non, il a pas fait de. Mais oui, il a été en Corse. J'ai de la famille qui habite à Luxembourg. Il a pas étudié les pieds. Il a pas étudié les pieds. Est-ce que t'as des beaux pieds? Non, non, ils sont dégueulasses, ces pieds. J'ai les pieds tout bizarres. Il est tout bizarre, ouais, voilà. Bon. Je te fais un fuck avec mon doigt tué sans problème. Non, parce que moi, c'est le deuxième orteil. Ouais, bon, très bien. Enfin bref, mais en plus, ça se trompe de doigt. J'y suis allé, puis c'est super. L'ambiance est super chouette. Il y a du monde. Il y a du monde. Alors, franchement, c'est cool son argumentation. C'est décoré, ça sent bon. Ça sent bon. J'ai peut-être une question. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Une question à la con. Tout le monde est mort depuis. Quoi? Il parle français à Strasbourg? C'est pas une blague? Est-ce qu'il y a un Père Noël? Je crois pas. Et avec le non, mais ils l'ont tué, ils l'ont foutu en saucisse. Ah, je confonds avec Luxembourg. Merde. T'es nul. Luxembourg. C'est pas ah non, chose. Les Luxembourg. Non. Ah, t'as confondu Strasbourg ouais, et Luxembourg. Ouais, non. Ah, c'est pas pareil. Oui, Luxembourg, ils sont tout seuls dans leur coin. Bah, ils sont. C'est ouais. Un petit pays, quoi. C'est ça. Mais Strasbourg, ouais, c'est. J'ai confondu. Ouais. Bon, c'est à l'est. Hein. Ouais. C'est à droite. C'est pas loin. Chez nous, c'est à droite. Moi, ce que j'aime bien dans ces marchés-là, c'est genre, c'est la bouffe. C'est trop bon. Ah oui. Oh putain. Qui n'aime pas la bouffe? Qui n'aime pas la bouffe? Tu te pètes le bide et il y a du bon. J'aime pas la bouffe. Il y a du bon vin chaud. Mytho, eh bah, ça mange se voit pas. Ah mais que de bouffer. Et ça avec les gens monoctes. Bon, sur cette touche d'humour. J'ai pas entendu. Nous allons nous arrêter ici. Non mais Pierre, oui, tais-toi. Et nous allons reprendre cet épisode la semaine prochaine. Toi, j'ai trappé à la fin. Parce que lundi de la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe à 21h? Bah ça a été solide. Bah oui, voilà. Bah c'est oui, ça j'ai cru que t'allais dire c'est Sport News. Ouais, non, j'allais dire. Mais par contre, avant cela, il y a bien d'autres émissions qui arrivent, notamment ouais. Demain. À 20h30, j'ai vu de la lumière, non? Mais non, il n'y a pas Starter demain. Demain, ça sera demain. J'ai vu de la lumière oui, avec y a Clément. 21h pour ouais, le théâtre d'impro. Et jeudi. Il y a nous, il y a moi et Jolan. Ah, les meilleurs. Peck Avengers, ils sont vraiment très beaux. Peck Avengers. Mais ça, non, vous avez pas vu leur tête. Oh, bon, on a perdu la moitié de nos auditeurs sur cette chanson. Quoi? Il manquait pas quelqu'un jeudi. Il manquait Marguerite. Ouais, Marguerite était absente, effectivement, jeudi. Mais elle sera de retour cette semaine. Et je sais plus son nom. Aïe, t'as des ongles. Mais non, c'est pas ça. Si, je crois qu'Ismaël, il est peut-être motivé à revenir. Ah ouais, mais je pense pas. Ah bah, je regarde alors. Je pense qu'Ismaël est motivé toutes les semaines. Et faut quoi? Fais gaffe. Et bah alors, dans ce cas-là, Ismaël qui revient, elle a dit je regarde. Ah ouais, trop... Tant mieux, on a gagné une auditrice grâce à Ismaël. Non, mais en vrai, il est trop drôle. Oui, ah bah, il est trop drôle, ouais. Il dit des blagues de merde, mais c'est mais drôle. Mais il dit des blagues antisémites tout le temps. Il est sur. Ouais, mais j'aime bien ça. Mais il est sur. J'aime bien direct, dès qu'il est arrivé, il a lancé la couleur, il a dit bon, bah, je me suis barré comme un juif et tout. Et femme qui rit, comme on dit. Femme dans son lit. Non. Femme qui mange du riz. Femme qui mange du fromage. Du riz. J'étais presque. Bon, sur ce, on va y aller peut-être. Ouais, on va y aller sur cette vanne. Elle était bonne, hein. Non. On a rien compris. Femme qui rit, femme dans ton lit. Mais là, j'ai envie de dire. Oh, alerte Google. Kiri. Ah, je recommence. Oh, alerte Google. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on va y aller. Alors, ça, c'est Carlos de Bob l'éponge. Oui, c'est ça. Ah, tiens, on a la reprise de. Señorita. Camilla Cabello. Sarah. Avec Sarah, qui nous reprend Señorita, le tube de l'été sur Indestar. Ah, elle est trop bien. C'est avec Shawn Mendes aussi. Et ben on fait des bisous. Il y a Shawn Mendes qui est là. Ouais. Très beau d'ailleurs. Ouais, des bisous. Des bisous. À lundi. Et on a le temps de parler en fait. Ouais, bon, on a. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un mot chacun, Jojo. Bisous. Bisous. Des bisous. À lundi. À lundi. Steak. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.